Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Alors, vous n'êtes pas présent, mais au lancement du jingle, il y en avait deux qui étaient en train de mimer le jingle, c'était magnifique. Vous êtes bien sur l'apéro original 6-3, si j'oublie, si je suis encore en état. C'est bien ça? Ouais, c'est bon. Tu es à jour. Je suis bon. Ouf. Ouais. C'est bon. Toujours en compagnie de Gandalf 81. Bonjour. Et de Asto 81. Quand est-ce qu'on change de chroniqueur? Oui, ça, c'est vrai, il faudrait changer un petit peu. La prochaine fois, on trouvera une quatrième personne. Une équipe bis. C'est ça, on garde le même concept, mais on change complètement l'équipe. Un peu comme les Avengers of the West Coast, quoi. C'est ça. Ou les New Avengers, c'est les mêmes, mais pas pareil, quoi. On est les Teen Titans, pas pareil. Donc, du coup, au programme, on va créer l'apéro original. Univers. Cinématique univers. Apéro original univers. Le ACU. Apéro original cinématique univers. Du coup, au programme, toujours du ça va au blond, dégustation de bière et. Et tutti quanti. un dossier imposé, c'est quoi un ça? Imposé. C'est un imposé. On en fait deux parce que comme ça. Oui, c'est au choix. Jamais un sans deux. Voilà. Ce blond était sponsorisé par une blague de Asto. un quiz par monsieur Gandalf. Oui. Un dossier quiz. Un dossier. D'accord. Et c'est plus un quiz qu'un dossier. Ah. Mais c'est quand même un peu un dossier. D'accord. Et une musique de fin habituelle. Comme d'hab, quoi. Divers et variés. Une petite rubrique. On est normalement toujours diffusé sur Pod Radio. Si ils nous ont pas viré. Si nous ont pas. Ouais. Enfin voilà, parce qu'on enregistre toujours. Du coup, on est sur le 3, donc 3 mois avant. Voilà, pour une fois. Voilà. C'est Noël. Bientôt, c'est Noël. Oui, le mois prochain, c'est Noël. C'est Noël là. Parce que là, on est décembre. Hein. Octobre, novembre. Ah oui. Joyeux Noël, du coup. Noël. Il fait 28 degrés dehors. C'est Noël. C'est Noël. Allez hop, on fait toutes les musiques comme ça. Voilà. Tous les mystères de l'histoire. Merci de nous écouter. Toujours, voilà. Parce que si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes toujours aussi con. Ouais. Pardon, là, du coup, ça fait moins de 5 minutes. Donc, du coup, c'est toujours gentil de nous écouter à 5 minutes et de changer. On n'a pas été explicite encore. Pas encore, mais ça va venir. C'est tout. T'es là, c'est explicite. Okay. Dès que G81 est là, tout va. Je crois. Dès qu'il est là, c'est bon, c'est ça. Et du coup, on va passer à notre première rubrique qui est « Ça va ou blond ça... ?»« C'est bien ou blond ?» Je sais jamais le titre. C'est bien ou blond. C'est la dégustation de bière, enfin la présentation de ce qu'on va boire. Oui, c'est voilà. Bon. Et du coup, Jingle. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Allez, folle ! Ah, j'ai faim! Ah, j'ai chaud! Ah, j'ai faim! J'ai soif! Allez, non, vos filles, les gars! Alors que nous, du coup, justement, le principe, c'est de goûter! Et de pas aller aux filles! Et après, ça se te regarde si tu préfères y voir ou pas. Ça nous regarde, nous! Et du coup, bah, je vais tendre le, le décapsuleur. Hein. Oh. Oui, parce que. Hein, toi, tu ne commences pas par toi-même. Bah non. Et j'avais pas déjà commencé par moi-même. Il oui, bah non. Puis, on, moi, j'ai commencé par moi-même. T'en as pas tu besoin. Tu as commencé par toi-même. Ouais. Et moi, je donne. J'aime donner. Et je vais pas donner à toi parce que t'en as pas besoin. J'en ai pas besoin. Du coup, bah, je donne à la vedette. À la vedette. Tu parles de moi ou de ma bière? Les deux. Ce jeu de mots est troublant. Donc moi je vais boire une vedette IPA, donc IPA ça veut dire Indian Pale Ale. Oh, ils s'en sont souvenus pour une fois. J'ai le cerveau qui fume. Donc une Indian Pale Ale vedette. Donc on rappellera que c'est le seul moyen que tu as de te faire tirer par une vedette. D'abord de boire la semence d'une vedette. Du jus de vedette. Quoi? Ouais. Ben moi je voulais me faire tirer par un zodiac, mais je préférais me faire tirer par une vedette. IPA. Qu'est-ce qu'il y a marqué? J'arrive pas à lire. Donne. IPA, but mes capacités. Not really from India and not really a pale ale. Allez. D'accord, c'est une Indian pale ale qui n'en est pas une. D'accord. Ah. Je passe donc le décapsuleur destiné à Azertov, mais ouais. C'est Gandalf qui va ouvrir sa bouteille. Alors je vais ouvrir ma bière. Donc voilà, donc oh oui. Bon, on laisse le son d'un être chiant. Et toujours aussi bien, hein. On va finir par croire que toi tu veux te reconvertir chez BNB et je sais que ça va te faire plaisir. Écoute, quand tu dis ça. Hey, y a des arguments chez BNB. Il y a des arguments a posteriori, et pas que. C'est des ayants, de toute façon. Donc, pour ma part, on va dire que cette bière est un peu l'allégorie de cet épisode de Point 3, parce que, en fait, c'est une bonne secours, donc on en a besoin, et surtout, c'est une bière vivante, qui est tout l'opposé de moi en ce moment. Hein, voilà. Donc c'est une bonne secours, mon ami, et bière vivante, c'est le sous-titré, et c'est la version ambrée. Voilà, parce qu'il y a la version, la jaune, c'est la version blonde, je crois. Blonde, ouais. Oui. Ouais, elle est dans le placard. Elle est dans le placard. Vite, courons-y à Monoprix. Et donc, je n'ai pas besoin de décapsuleur du destin, parce qu'en fait, c'est un truc à goulot. Oui. Et là, attention. Ça va péter. Ça va péter, et je crois que ça a flippé de ça. Attends. Moi, j'aurais pas fait que ça. Attention, ça mousse. Avec, le bouchon, là, ça va mousser. Oh, putain. Ah bah oui. Ah bah c'est oui. Bon, c'est bon. Ça a arrêté de mousser. Laisse-la reposer un peu. Donc, vous avez entendu le son d'un très très bizarre. Je pensais que sous Audacity, là, il y a une espèce de... Oui. Dans le tapis, en a profité. Le set de table. Le set de table, il a dégusté lui aussi. Il a dégusté aussi. Donc voilà, c'est bon secours, dont une bière ambrée. Et c'était, pour finir, 8 petits degrés, je crois, si ma mémoire est bonne. 8 petits degrés. Voilà. Eh ben, je passe donc la main virtuelle au maître de maison. Du coup, je récupère le décapsuleur du destin que j'avais déjà en main. Et moi, du coup, j'ai une fruit défendue de Verboden. Verboden, c'est l'adverse des trois suisses pour les petits. C'est ça. Quoi? Je pense. Mais Verbodé. Hein? Pardon. Je vais dire oui, hein. Tant doute. Pour pas dire non. Qui est une bière aux aromatisée aux épices. À 8,5. Donc moi aussi je finis. Ah, et là c'est interdiction pareil aux femmes enceintes et aux voitures. Ah merde. Mais non, c'est que femmes enceintes et une sorte de poing avec un carré qui tourne autour. D'accord. Donc c'est là tu peux la mettre dans la lave-glace. Je peux le mettre, mais par contre c'est pas du recyclable. Donc du coup, ouais, on peut pas recycler. À moins noter qu'il y a marqué consigne, 50 centimes. Ah, c'est marqué. Là tu vas devenir riche. Parce que du coup, oui, c'est une bière belge. Les bières belges sont souvent consignées. Là tu vas devenir riche avec moi. Je crois pas que ce soit de la bière belge. Peut-être qu'un jour tu pourras aller à la gare et faire des choses. Vu la cagnotte que j'ai à VNB, ça va. tu peux vraiment aller à la gare et vraiment te faire plaisir. Extraordinaire. Il ah, y a un morceau sur l'étiquette aussi. C'est légèrement ambré, je crois. Attends, c'est une soupe. C'est une brune, non? Bah, je sais pas. C'est une brune. C'est une brune, c'est pas possible. C'est une brune, mais je sais pas, j'ai pas lu derrière. Donc, le fruit défendu est unique en son genre. Son brassage de tradition requiert un mélange secret de malt sombre et d'épices aromatisantes. Le fruit défendu refermente lentement en bouteille. C'est ainsi que mûrissent une délicieuse bière de dégustation aux arômes complexes et aux goûts parfaitement équilibrés entre douceur et sécheresse. Conserver cette bière vivante. Ah, c'est une bière vivante aussi. Ah. Dans un endroit sombre, de préférence sur pied. Oui, donc debout, quoi. Et servez-la à 5-6 degrés. Aromatisée aux épices. C'est une bière belge. C'est une bière belge. Elle a l'air sacrément brune. Mais ouais, c'est... Je te vois même pas à travers. Bah, brune ouais. Sur les tons. Tu diras, même celle-là. Non, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Je me mets prendre. En tout cas, elle sent bon. Je sais pas si elle est encore bonne pour l'instant, mais... Bah, en tout cas, encore une fois, on nous le dira, ça sent pas le pipi. Oui, toujours rapport au... Ça sent au... pas la bière allemande de l'Oktoberfest. La bière commerciale. C'est ça. On leur dira la prochaine fois. Mais dis donc... Oh putain, oh, ça sent fort. Ça sent la pisse. Moi aussi, ça sent fort, et pourtant, on est les 4-5. Hein. Ouh, je suis pas bien. Je sais pas si on en a déjà bu de la vedette IPA la dernière fois. On en a déjà bu, je crois, non ? Alors, pardon. J'en ai bu la dernière fois au bar. C'était peut-être au bar qu'on m'avait pris. Et quand j'avais demandé conseil pour savoir, parce que je savais pas trop quoi boire, et il m'avait conseillé. Tu veux pas retourner. Je sais plus si c'était la vedette ou si c'était un truc dans le même genre que la vedette qui m'avait conseillé. Est-ce que tu veux pas retourner une IPA, oui. Voilà, tu veux pas retourner porter conseil cette fois ? Ah, bah, pourquoi pas. Demandez conseil. Demandez. Du coup, on va goûter, on va dire que c'est bien. Hein. Que c'est bon. Ah, oh, c'est dégueulasse. Ah oui, on sent bien les épices et... Oula. Moi, oula. Elle a un goût de banane. Oula. De banane. Ah oui, carrément. Enfin, je trouve. Enfin... Vedette extraordinaire. IPA taste malty flavor. Donc la mienne, tu vois, c'est excessivement particulier. C'est très bon, mais tu vois, c'est. Attends, du coup, je bois un coup d'eau pour. T'aimes aussi. Hashtag vedette, hashtag extra, hashtag ordinary, hashtag IPA, hashtag prout, hashtag dry happed. C'est la première fois que je sens un goût comme ça. C'est très. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est singulier. Bah ouais, je sais pas, je trouve pas en fait. Ça, il y a un petit goût, mais. Belgium, assez. Attends, c'est très fruité. Oui, mais. Première bouche, il y a un truc. Seconde bouche, reporte, c'est plus donc, épais. C'est donc une bière belge aussi. Si tu veux goûter, je trouve qu'il y a un truc. Non, on mélange pas. On mélange pas. On mélange pas les effluves. Ouais. Faut pas croiser les effluves. Non. Non mais ouais, sur la mienne je trouve qu'il y a on sent le goût d'épices mais j'ai eu un goût de banane à un moment. Il y a un truc quoi. Même en fait même au nez. Mais d'abord fruité. Ouais. Moi la mienne je trouve qu'il y a un truc, je sais pas, dire. Je trouve. La bonne fois qu'on a des vrais avis. C'est ça. Du coup bah on va passer à part si vous avez d'autres choses à dire. Objection. Je n'ai rien qu'à dire. D'accord. Ah cette fois il y a pas de whisky à déguster. Oh, il reste à côté, je vais m'en remettre un petit coup parce que ce qui a fini sur le set de table ne finira pas. La même quantité, tu veux dire hein. Voilà. Attends, je renverse ton verre. Hop là, oh c'est dommage. Oups, je vais devoir m'en resservir un. Il n'y a plus de bière, bon, on va prendre du whisky. On prend un whisky. Quoi d'abord. Tu veux pas un doigt d'abord pardon. 23 de whisky. Enculé. Eh ben, du coup, on va passer à l'imposé de monsieur Rasto. Oui. Et du coup, de quoi ça s'agit Eh ben, ça s'agit toujours. Oh, ça s'agit toujours de musique japonaise. Ouais. Puisque je vous ai dit que je faisais une thématique japonaise dans l'épisode précédent. Et que mon jingle. Mais on fait des fils conducteurs entre les épisodes. Eh oui, mais moi j'essaie de faire des thématiques. En plus, mon jingle est un. Oui. Ah bon ? Est une musique japonaise. Je ne savais pas. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à shazamer cette musique. Puisque vous la trouverez avec Shazam. J'ai testé. C'est pour ça que je le sais. Donc je vais vous parler d'un groupe de musique. Donc du coup de musique japonaise, puisque on parle de ça. J'imagine. dont j'ai acheté récemment les deux premiers albums. Alors le premier mini-album plus un album. Ça m'a coûté un bras, hein. C'est de la musique japonaise, ça coûte un bras. N'importe donc. Oh mon dieu. Voilà, toujours. Prends peut-être directement l'assiette pour faire ça devant toi, ça sera peu, ouais. Peut-être plus simple. Asto essaye de se tartiner. C'est pas moi, Asto. C'est pas moi, Asto. J'ai 81 et essaie de se tartiner de la sobrasada. Autant vous dire, c'est le grain carné. Regardez ça. Regardez-moi, c'est grave. Sinon, prends l'assiette si c'est plus simple. Hein. Non, c'est bon. Il se démerde. Il s'agit d'un groupe de musique qui s'appelle The Musmus. The Musmus. Le caché. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas The Musmus, vous connaissez peut-être un groupe qui s'appelait Uplift Spice. Ouais. Et on arrive beaucoup mieux à prononcer ce groupe quand on a bu un peu de bière. Uplift Spice. Et ouais. Uplift Spice. Vas-y, faut le dire vite. Uplift Spice. C'est comme statistiquement. Toi, si tu le dis vite. Statistiquement. Statistiquement. Voilà. Donc si vous connaissez. Par contre, il n'y a que Uplift Spice qu'on peut dire quand on est bourré. Le reste, on peut pas. Je sais pas quoi dire. Je soufflais par cette. Donc si vous connaissez. Uplift Spice. Je crois qu'on a perdu. Vous connaissez The Musmus, puisqu'il s'agit plus ou moins du même groupe. Du même groupe, c'est-à-dire que c'est 50% du même groupe, à savoir la chanteuse leader plus le guitariste. D'accord. Donc Uplift Spice, c'était un groupe de J-rock. Alors que pendant ce temps, Monsieur Gandalf en met partout en se servant. Hein. Et il en met dans son whisky. Oh non, pas le whisky, merde. Donc Uplift Spice, vous allez me faire le répéter combien de fois le titre du groupe, bordel de merde. Qui ça? Uplift Spice. Un groupe de rock japonais extrêmement populaire, extrêmement connu, qui s'était séparé en 2014, je crois. Ou qui avait... splitté. Qui s'était... Ça fait déjà 2 ans. Et 2004, il me semblait. Attends, je vérifie ça. Non, mais c'est possible. Je voyais plus proche que ça, en fait. Mais ben, c'était fin 2014. Ouais, c'est... Oui, août 2014. Oui. Août 2014, le groupe annonce sa séparation après un concert. Sauf par là, c'est parce qu'on est en décembre. Voilà, après le concert du 27 septembre 2014 où Shibuya Eggman Uplift Spice s'est séparé. Donc, voilà. Et un peu plus d'un an plus tard, un an plus tard en fait, le 26 septembre 2015. On est en 2015. Oui, 1900. Surtout si c'est plus tard, du coup, ça peut pas être avant. Cet épisode, il pue. Hein. Donc un an plus tard, ils annoncent leur reprise d'activité sous un nouveau nom, à savoir The Musmus. Donc avec 50% du groupe existant, la chanteuse leader Chiyo et le guitariste Yokei, avec 2 nouveaux membres, donc un batteur et un bassiste, Shingo et Kyoya. Uplift Spice, on les connaissait pour des titres comme Omega Reason, Memento. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Justice, Minority Parade. Voilà, c'était des. Pour les titres en français, bah, enfin, en anglais où on peut lire et qui sont pas en kanji ou. Ouais, ou en katakana. Voilà, donc Memento, Omega Reason, si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez. Oui. Parce que les autres, on sait même pas les écrire de toute façon. Donc, c'est ça. Ça promet. Une petite gorgée. Tu me dis quand je lance en musique de fond, comme ça. Eh ben, je te ferai un top à la vachette. Magneto. Serge. Un top à la musique. Je savais pas que c'était le nom de Magneto, Serge. Ça s'appelait pas Eric. Non, c'est pas le hamster. Donc en 2015. Oui. Ils annoncent leur retour et fin 2015 sort leur premier titre, à savoir Binary. Donc là, tu peux essayer de lancer la musique. Donc Binary, c'est le deuxième morceau de Prologue. D'accord. Si tu veux. Oui, je l'ai. Donc c'est parti. Enfin, oui, non, peut-être. Si. Voilà, celui-ci que j'avais utilisé en générique de fin. Oui. De l'enregistrement 3 ou 2, je sais plus lequel. Oui. De toute façon, c'est le celui de l'année dernière, donc celui qui. Voilà. D'un épisode de l'année dernière. Donc, oui, donc le morceau s'appelle Binary, mais c'est écrit en kanji. Un kanji. Un kanji. Kanji. Pas kanji, kanji, c'est un autre. C'est un connard qui chante un andalou. Chirac. Ouais, c'est lui. Lui, il va pas manger. Si vous, il est mort d'ici là, peut-être. Non, c'est trop méta, ma blague. Non, Chirac n'est pas... Non, c'est... Enfin, ouais. Donc, ce morceau annonçait leur grand retour avec leur mini-album du nom de Prologue. Donc, Prologue est sorti... alors, peut-être fin 2015 au Japon, ou début 2016, je sais plus exactement. Ouais, par là, je crois que plus 2015. Hein. Hop, je regarde ça, 2015. Mmh. Puis, 2016, ils ont sorti leur premier album complet, à savoir The Muspus Tale 1. Tale 1. Tale 1. Ouais. Avec le 1 en chiffre romain. C'est ça. Donc, chiffre romain. Romain. Donc, qui laisse supposer un The Muspus Tale 2. Un peu comme Illusion de chez... De... Donc, Tale, T-A-L-E. Ouais, comme le conte. Le conte, ouais. Voilà. Comme Tale is off, c'est poignant. Et tout y connaît. Hop, donc je vais énumérer rapidement les titres de l'album. Des morceaux, donc sur. Que t'arrives à lire. Sur Prologue, oui. Non, mais je les ai traduits même, ce que j'arrive. Oh à comme par exemple le deuxième, donc Binary, qui est écrit donc en kanji. Hein, et donc que j'ai traduit. Quel ordre. Le truc, c'est que du coup, en sachant le titre, tu l'entends quand ils disent. Mais oui, c'est pertinent. Là, le dernier truc qu'elle a dit avant sur le bête qu'on entend, c'était le bête. Donc le premier album de Prologue s'appelle Batisma. Le deuxième morceau, donc Binary, suivi de Silent Finale. Quatrième morceau s'appelle Anemone no Niwa. Ah oui, je vois le nom. Oui, Anemone no Niwa. Ah, toi aussi, tu vois les noms. Donc qui peut se traduire en. Anemone, celle des bronzés Foluski. Niwa, c'est Garden. Tu peux le traduire en garden, donc c'est jardin un peu si tu veux, et anémone c'est anémone, anémone, anémone. Ah bon ? En plus c'est pour de vrai ? Oui oui, anémone garden, tu peux le traduire en anémone garden, enfin j'ai pas trouvé d'autres traductions en tout cas. Le cinquième morceau, Mass Hysteria, le sixième morceau, X-Day, et le dernier morceau de l'album qui est un morceau extrêmement calme, qui s'appelle Yurishizu, qui est en fait Ulysse, c'est Ulysse, Yurishizu. Enculé. Donc du coup, pour info, les musiques qu'on va entendre sont dans la liste. Donc là, on est parti du deuxième du prologue, voilà. Et on fera la suite. Exactement. Voilà. On a zappé Batisma parce que tant pis. Voilà. Ouais, comme ça, on fait des bêtes, on est comme ça, on est fous. Ensuite, donc, après avoir écouté prologue en bête, vous entendrez donc The Muspus Tale 1, Tale 1, avec Marine Snow, donc, qui est le premier morceau connu de l'album puisqu'ils ont sorti un clip. Oui, on le voit sur mon live, c'est d'ailleurs le clip. C'est possible. Je l'ai vu. Ils ont sorti un clip très sympa. Qui est sorti en 2016. J'ai eu un petit peu de mal au début avec cette chanson. Puis au final, elle est très très bien. Elle est géniale. Le deuxième morceau, je sais pas trop comment le prononcer, c'est SSFME. Je sais pas trop comment le prononcer celui-là. Le troisième morceau, Chrisson. Donc écarlate. Kim Chrisson. Le quatrième morceau, Sunan Oshi, qui se traduit en Star Sand, donc je sais pas si on peut le traduire en poussière d'étoiles ou en. Résidu d'étoiles. Ou en étoile des sables, si tu veux. Résidu d'étoiles, si tu veux. Je sais pas dans quel sens. D'accord, oui. Après, ouais, c'est peut-être par rapport au titre, au texte de la chanson, voilà. Que ça peut donner une indication. Donc là, voilà. Cinquième morceau, Shahamat. Sixième morceau, Butterfly Effect. Septième morceau, Akashic Record. Donc c'est, enfin, en japonais c'est Akashic Rekordo. Rekodo. Rekodo. Akashiku Rekodo, mais bon, Akashic Rekodo. Ouais. Huitième morceau, Wanderlust. Neuvième morceau, Neopolis. Et dixième morceau, The Muspus Riot. L'émeute. L'émeute des Muspus. Et du coup, mush, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Ah. Et je n'ai pas trouvé cette information. Je sais pas si tu as l'information. Alors, non. Mush. Mucher. Dans le Pas-de-Calais, c'est se cacher. Donc, mush, c'est caché. Je pense pas que ça soit ça. Mais je suis pas sûr. Donc, c'était donc un imposé. Je vous ai demandé d'écouter cet album. Je l'ai écouté moi-même à peu près une cinquantaine de fois minimum. J'écoute à peu près 4 fois par jour. C'est. Ouais, peut-être pas 50, mais je sais que pendant des lectures, c'était ma musique de fond. Donc. Si j'avais su, je l'aurais rippé plus tôt. Donc, toi, tu l'as écouté que 2 fois, je crois. Ouais, même pas. Et encore. Je crois que dans ta voiture, en fait. Voilà. Oui, je t'ai passé les CD la semaine dernière. Ouais, et le temps que je les rippe, donc voilà. Moi j'ai extrêmement, énormément adoré les deux albums, parce que je les écoute en boucle, comme pas possible. C'est vraiment le style de musique que j'adore, un des styles de musique que j'adore. Du garage rock. Garage rock, moi je dirais. Ils sont catégorisés en J-rock, punk pop. Bah c'est punk ou garage, moi je trouve ça fait un peu entre les deux. Hein. Moi je vois pas trop le côté punk dans la musique. Dans la chanson. Dans le. Je vois pas trop. Ouais, dans les sonorités. Pop, ouais, dans les sonorités, ouais. À part dans un des morceaux où c'est vraiment électropop à fond. Oui, c'est vrai. C'est la deuxième de l'album. Non. Dans Akashic Records où c'est purement de l'électro, de l'électropop. Si tu vires la voix de Chiyo et que tu mets la voix des Perfumes, tu dis ok. Ça passe. C'est un morceau très particulier, ouais, par rapport à l'album lui-même. Voilà. Après, sur Prologue, on a la musique qu'on a en bed là, qui est la quatrième, qui est donc Anemone no Niwa, et la dernière Yoreshis, qui sont des musiques extrêmement calmes, très posées, par rapport au reste de l'album. Ouais. Alors surtout Yoreshis, qui est la dernière où c'est extrêmement calme. Celle-là, donc Anemone no Niwa. Qui s'excite un petit peu plus sur la fin du morceau. Ouais, puis même au niveau de la voix, oui, c'est vrai que c'est plus calme. La voix est calme. La musique est un petit peu plus... L'instru est moins violente que d'habitude, mais on est quand même sur quelque chose de très rock. On est quand même sur de la guitare électrique. C'est plus en souligné. Voilà. Ça fait plus blues, toi, parce que... Enfin, dans l'approche, c'est surtout plus question-réponse, tu vois. Elle chante la voix de Chiyo qui est pas perchée comme d'habitude, en fait. Elle a une voix extrêmement aiguë. Ouais. Elle a une voix plus aiguë, je sais pas, mais puissante. Elle a une voix puissante. Qui se reconnaît. Par exemple, sur Justice, ou le premier titre par lequel on les a découverts, où elle gueulait, elle en voyait bien. Là, c'est vraiment Omega. Oui. Je sais plus si c'est celui-là vraiment le premier qui est sorti ou. Le plus connu pour moi, c'est Omega Luz. Omega Luz, Omégalisme. Là, cette voix reconnaissant, elle est un peu nasillarde, un peu. C'est très nasal, tu vois. Oui. Donc, on fait des pauses, on est bien. On fait écouter aux gens. Hop. On fait écouter de la vraie bonne musique aux gens, écoute. Il n'y a pas de honte à ça. Bonne, enfin, nous on trouve qu'elle est bonne. En vrai, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Exactement. On ne juge pas, à part les gens qui écoutent du R&B français. À part ceux qui écoutent du Kenji. Rita, yo, la couleur de ma Twingo. Je m'attendais à une connerie, mais je n'avais pas trouvé la rime en Twingo. C'est pas de moi. C'est un collègue. C'est pas de moi. Mais je sais qu'il nous écoutera pas, donc pas la peine de le citer. Je sais pertinemment qu'il nous écoutera. Vaut mieux pas qu'il nous écoute. Non, vaut mieux pas. Vas-y, mais tu es déchaîné le. Oh, quelqu'un parle de la sobrasada. Oui. Donc la sobrasada, c'est le Nutella d'Avelo Gras. C'est le Nutella. Espagnol gras. Le Nutella de chorizo. C'est ça. Ouais, bon. Moi j'aime bien. Bon, après, c'est l'appel du gras qui te fait revenir. Moi je trouve. Tu verras, le premier morceau c'est toujours bizarre. Bon, au début c'est pareil, j'ai mis du tang à le bouffer. Bon, alors. Maintenant, il fait pas la journée quoi, presque. Ah, quelqu'un lèche les glaçons. Bon, c'est pour les glaçons. C'est pour s'il était encore froid. Donc, bon, du coup, Gandalf, tu n'as pas beaucoup eu l'occasion d'écouter l'album. Non. Mais Azertov, si. Ouais. Alors, qu'en as-tu pensé? Déjà, je vais commencer par la comparaison avec Opel Spice. Ouais. C'est par rapport aux musiques que j'ai écoutées de Opel Spice. On retrouve les mêmes sonorités ou la même puissance, on va dire, mais pas de la même façon. Mmh. J'ai eu l'impression qu'ici c'était plus produit comme s'ils étaient passés d'une maison de disques indépendante à une major. Ouais. Après, je sais pas si c'est le cas. Ils étaient déjà en major, moi, je pense. Je pense qu'ils étaient déjà. Ils étaient pas indépendants, il me semblait. Peut-être avant qu'il y avait un côté un peu plus punk, peut-être. Ouais, peut-être pas sur les derniers albums. Ouais. Sur les... ouais, mais moi j'ai plus écouté les premiers, parce que le dernier c'est Double Zéro ou comme le film dernier d'Eric Ramsey. Le dernier disque des Uplift. Ouais. Leur dernier album studio c'était. Ce que je retrouve. C'était 0-0-0. Les 0 barrés. Ouais. Les 3 0 barrés. C'est le barré. Et. Du coup, moi, c'est plus sur les le premier, je sais, ça doit être Uplift Spice, le nom de l'album. Le tout premier album. Ouais, ouais. C'était Uplift Spice. Ouais. Et ensuite, il y a eu Memento. Et ensuite, il y a eu Omega Rhythm, Memento, Paradigm Shift et un dernier 000. Ok, donc du coup, moi, il me manque un album. Donc, j'ai plus écouté justement les deux premiers. Enfin, du coup, l'éponyme et Memento. Oui. Que le reste. Donc du coup, j'ai plus, on va dire, une approche. Enfin, je sens qu'elle est plus punk que là. Là, c'est beaucoup plus travaillé. C'est plus. Enfin, populaire dans le sens où voilà, on élargit un petit peu plus la cible. Ouais. Par exemple, c'est sur la deuxième musique, la deuxième chanson de Tales One, SSFME. Ouais. Où je trouve que cette musique-là, elle est à part en fait. Elle fait plus pop, enfin au niveau des sonorités. Enfin, c'est plus électro. Ouais. Que le reste de l'album. Donc, d'accord. Enfin, il me semble que c'est ça. En tout cas, il y a une chanson dans l'album qui est complètement à part. C'est un autre univers. Alors pour moi, c'est Akashic Record qui est complètement à part, mais. On verra. On l'écoutera après, mais voilà. Pour moi, voilà. Mais enfin, bref, c'est la même chose, mais en. Enfin, c'est la même chose. C'est différent, mais pareil. Oui, c'est la même chose, mais pas pareil. C'est on va dire, le même cœur, la même idée, mais traitée d'une façon différente. Et du coup. J'aime bien, j'ai du mal à la première écoute parce que du coup c'est toujours ça, sur les premières écoutes de musique, faut se faire à l'idée. Et déjà ensuite, tu dégrossis le truc, hein, déjà. C'est ça, faut faire une première écoute pour voir comment c'est et ensuite c'est à force d'écouter que tu. Ouais. Voilà, celle-là. La bonne musique, ça se dégrossit. C'est pour ça, je sais qu'il y a une musique qui est sur fond d'électro où celle-là me plaît beaucoup moins que les autres. D'accord. Il y en a. C'est sûr que oui, si c'est celle à laquelle je pense, oui, elle est. Très différent, moi j'aime beaucoup. C'est pas du Musmus ou du Uplift Spice d'un. De la veine. Ouais, moi j'ai senti que c'était pas du tout le même registre. Ouais. Après, la première écoute, je me suis dit, mais pourquoi? Puis après, je me suis dit, voilà, c'est peut-être parce qu'il y a une personne qui aimait une sonorité ou un truc spécifique et que voilà, ils ont tenté une musique. Enfin, sur une musique, cet univers-là ou ce truc-là, donc du coup. Mais après, ouais, dans l'ensemble, j'aime plutôt assez. Après, je saurais pas dire quel titre me plaît le plus ou. Parce que le fait de mettre un nom sur un titre, toi, moi, c'est en écoutant, je suis ah oui, putain, c'est vrai que le tac tac tac tac tac tac tac, ça me plaît. Et que les autres, bah ouais, ça va être une partie de la musique qui va me plaire sur l'ensemble. Mais après, c'est quand même assez. C'est le même style en fait. À part justement cette musique-là, celle que j'aime le moins. L'électro. Sinon, après, on va dire celle qui est sur fond électro, le reste c'est quand même assez ressemblant. Hein. C'est dans le même style. Après les thématiques, bah, c'est du japonais, donc du coup je sais pas de quoi il parle, mais il préparait les chaussettes sales, c'est pareil. Ah oui, c'est tant qu'on ne traduit pas les paroles, en fait, on peut pas savoir. On n'a pas de mauvaise surprise. Oui, c'est ça. On peut avoir a priori. Après, on peut avoir des bonnes surprises aussi. Hein. C'est ça, là on va plus se baser sur, on comprend pas ce qu'ils disent, sur la sonorité, la mélodie, voilà. Est-ce que ça. Oui, est-ce que les rimes. Ouais, les rimes, oui, c'est ça. Est-ce que ça tombe bien? Est-ce que par rapport à la musique, c'est bien calé. Donc c'est voilà, j'aime bien. J'écouterai sûrement les autres musiques. Toi par exemple là, la guitare qui repart derrière, donc là on est sur XD. XD ouais. Toi ça c'est des trucs que j'aime assez. Ouais. Et tu sens que c'est le mec qui est en train d'en chier à faire les. C'est ça. Non, mais ça, c'est ce côté. Punk. Ça me fait penser à moi du Sun 41, tu sais, ce truc un peu californien de rock, un peu, tu vois. Du rock un peu plus punchy, tu vois. Que du rock traditionnel, c'est pas du hard, quand même. Non. Après, c'est pas des riffs, tu sais, très. C'est pas le riff qui est lourd en lui-même, tu vois. Ouais. C'est plus la vitesse de... d'exécution en fait. Ouais, c'est ça, c'est plus le tempo qui est élevé. En écoutant ça, j'ai l'impression d'écouter du... c'est Tom Morello de Rage Against the Machine. Ouais, plutôt, ouais. Il fait pareil, le mec il enchaîne les notes, c'est pas humain de faire ça. Oui, mais Tom Morello en plus, il aime le son pour le son, tu vois. Il aime que les bruits bizarres, il aime quand c'est un peu dérangeant, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire derrière, il aime le... Rage Against the Machine, oui. Ils ont ce... si c'est dissonant, le son pour eux c'est pas grave, tu vois, c'est voulu. Tu vois, c'est, il va pousser le. T'as des trucs comme ça, tu vois. Ça, ils aiment bien, tu vois. Mais ça, c'est le but de la chanson aussi, parce que c'est derrière, c'est du. Oui, c'est, après, c'est les paroles engagées, c'est un. Ouais, c'est les paroles engagées, c'est des gars d'extrême gauche, hein. Du punk dissident. Ouais, c'est presque du punk. C'est pas du punk, mais c'est presque, tu vois, t'es proche quand même. Pour rester du coup sur Rage Against the Machine, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, au niveau des musiques diffusées sur les radios, ils ont fait des censures sur tout ce qui était l'indépendance, les trucs un petit peu forts. Ouais. Sur, on peut dire qu'ils ont passé à la passe. D'attentats ou les trucs vraiment. Et j'avais lu quelque part, je ne sais plus où, que Rage Against the Machine, c'était le seul groupe où, à partir du 11 septembre, ils ne passaient plus en radio. Aucune musique, parce que tout était revendiqué. Parce que c'est des haltères de gauche un peu à peu près. Ouais, ils sont quatre. Ça les dérange pas, hein. Ils se cachent même pas. Hein. Au moins, c'est ça qui est bien, quoi. Mais du coup, pour revenir sur The Muscus, celle-ci, donc la dernière du prologue, Ulysses. Elle est calme. Il y a très peu d'instrumentaux et c'est juste Shiori. Bah, y a pas cette gamme. Déjà, y a pas la... la batterie galopante déjà. Oui. C'est comme ça, tiens. Oui, elle est en acoustique en fait. Oui, voilà. Elle est à la guitare acoustique, plus de voix. Là, t'as plus l'impression que c'est vraiment là, on va dire, la balade d'un groupe de. Comme le. La balade de. Tous l'ont fait, hein. Mr. Big l'a fait, Guns N' Roses l'a fait. De Metallica, là. Once Non, One, c'est un peu le début. Mais il y en a une qui est vraiment, c'est la balade de Metallica. Comment ça s'appelle. J'ai plus le titre, mais voilà. Tu vois laquelle c'est en plus. Tu la reconnais, c'est. Oui. T'écoutes ça, même si tu dis. Putain, tu dis, c'est la musique de. Nothing Else Matters, ouais. C'est là. Exactement. Tu passes celle-là, tu dis, c'est un groupe de hard metal. Enfin, je dis hard metal, mais c'est un truc qui envoie normalement tout c'est le temps. Trash, c'est du trash, c'est du trash hard. Oui. Quand tu dis, c'est un groupe qui envoie normalement. Voilà. Ouais, voilà, par rapport à la si tu si tu découvres Metallica par Nothing Else Matters, tu vas te dire, ok, il y a du son puissant derrière, mais ça reste sur quelque chose de. Enfin, c'est calme quoi. Ah oui, non, mais c'est calme. C'est, en fait, c'est puissant, mais que sur le riff en fait. Voilà. C'est ça, c'est comme l'idée de System of a Down. Tu commences par celle-là. C'est une balade, Lonely Day. Ah oui, c'est Last Lonely Day in a Smile. C'est puissant, mais que sur le riff quoi. Oui, c'est t'écoutes ça, tu fais putain, c'est une bonne balade. Et derrière, tu sens qu'il y a un truc, un potentiel, et quand t'écoutes les autres, c'est, on va dire, totalement différent. Toi, c'est pour ça que le punk et le black metal, c'est encore un peu plus poussé, mais c'est plus le délire, c'est plus puissant sur la répétition en fait. C'est comme ça, tu vois. C'est plus sur la répétition qu'on a la puissance en fait. Oui, non. Oui, c'est bien la 7ème. Ouais. D'accord. Oui. C'est là, elle est bien. Celle-ci, c'est. Là, on est sur Marine Snow. Ouais, ouais. Elle est bien celle-là. Qui est donc la première de l'album. Ouais. Moi, j'ai kiffé de suite, je sais pas, ça m'a. Il y a une album. Donc, celle que vous pouvez trouver facilement sur leur YouTube, puisque c'est la seule à ce jour qui possède un clip sur cet album. Oui. Ils ont un clip pour Binary sur le prologue et un clip pour Marine Snow sur le Tail One. Marine Snow, ça fait très One Piece. Je sais pas pourquoi. Non, puis ça fait très, tu vois, c'est la batterie galopante, moi j'appelle ça. Oui, tu sens que la batterie. Le mec derrière le batteur, il s'ennuie pas. Galopante, moi j'appelle ça. Toi, c'est ça que c'est effréné. Moi j'appelle ça. Et c'est là qu'on reconnaît bien les gens, hein, tu vois. C'est là que tu vois que c'est pas. Toi, c'est punk, mais pas punk. Parce que le punk, il y a quand même ce côté un peu déluré, tu vois. C'est un peu. On s'en fout de si c'est accordé, on s'en fout si c'est un peu. C'est là où j'ai du mal à l'associer à du punk en fait, The Muscus. Oui, non, c'est pas du punk, hein. C'est du garage pour moi. Plus. Comme j'ai pas la culture, j'ai pas forcément ta culture musicale, J'ai du mal à faire la distinction. Ouais, oui, pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est du rock. Pour moi, c'est du rock après. Pour moi, c'était plus près du Sum 41 ou du Zero Sprints, tu vois, en termes de d'idées. Alors pour moi, c'est un concept musical, tu vois. Enfin, je trouve que c'est pas proche de Offspring ou Sum 41, qui sont plus sur de la guitare, on va dire, électrique mais pure, alors que là, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus un traitement derrière sur la guitare, un arrangement que t'entends plus. Ah oui, en tout cas, pas du Sum 41. Pour moi, Sum 41, c'est vraiment pur punk rock californien, quoi. Oui, c'est encore un peu plus poussé. Mais pour moi, on est plus dans cette idée-là, tu vois, je trouve quand même de la... Enfin... On est quand même plus proche qu'avec qu'un design du rock traditionnel, tu vois. Je trouve. Après, c'est que des. Non, moi je trouve que. C'est quelque chose de très galopant, tu vois. Ouais. Après, c'est selon les choix. Soit tu le poses sur l'arc rythmique, soit sur le. Oui. Et c'est là que tu fais la différenciation, quoi. Après, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé ça assez intéressant d'écouter le prologue plus, Tail One, à la suite. Ouais, on sent l'évolution, ça. Je trouve que justement l'album prologue porte bien son nom. Pour moi, c'est vraiment un prologue. Quoi. Voilà, c'est vraiment. Un truc qui est logique. Ouais, il y a une suite en fait. Pour moi, t'es vraiment sur quelque chose. Voilà, si tu fais un. C'est en gros, si c'est un teaser. L'un à la suite de l'autre, t'as vraiment un ensemble pour moi. D'accord. C'est que d'après toi, c'est un œuvre un peu plus. C'est qui ça. Respire, quoi. C'est, voilà. C'est pas cloisonné par rapport au niveau de l'album, quoi. Et je pense que c'est pour ça que le prologue il fait 7 morceaux, plus l'album fait 10 morceaux. C'est pas extrêmement long. 10 morceaux pour un album, ouais, c'est raisonnable, hein, mais. Ça te fait une quarantaine de minutes. Il dure 30 minutes. Oui. Ouais, un album à peu près, allez, grosso modo, c'est vraiment 40 minutes. Voilà. Maintenant, c'est devenu la norme. T'as 10 voire 13 musiques. Ça va jusqu'à 13. Moi je préfère raisonner en termes de. De temps d'écoute. De temps, voilà, oui, oui. Un album c'est 40-45 minutes. Là on est sur le deuxième morceau. Je pense pas que c'était celui auquel tu pensais. Non, ouais. Du coup, oui. Voilà. Oui. Moi je trouve c'est là justement là où pas. Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Je trouve que c'est un groupe qui résonne. Énormément avec la batterie, ouais. Tu vois, je trouve. Oui, non, oui, c'est bien la 7ème. Oui. Voilà, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Il va falloir broder jusqu'à la 7ème au moment. Oh putain, wow. Faut broder jusqu'à. Faut broder pas une demi-heure encore. Non, l'album dure une demi-heure. Là, bon, oui. Là, en tout cas, sur la playlist, on en a pour 53 minutes 40. C'est ça. Sachant qu'on n'a pas fait Batisma qui dure 3 minutes 20. Donc ouais. On en a pour 50 minutes, en gros. Je te dis, l'album en lui-même dure 30 minutes, ouais. Le prologue dure un peu plus de 20 minutes. Ah, c'est ça, oui, genre, C'est pas très très long en termes de durée, mais... Allez, on brode. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Par rapport à ce que tu écoutes d'autres dans la scène JPN. Dans la scène. Moi je suis très éclectique. Tu es pour l'éclectisme. C'est-à-dire que. Et après je baise. Et après je baise. Ah, dire que le son donné ça te va, tout ça ça te va, c'est bon, c'est pour l'éclectisme. C'est bon. Non mais. Qu'est-ce que tu écoutes d'autre à côté, voilà, pour essayer. J'écoute aussi bien du Miss Miss que du Kia et Pamiu Pamiu. Ouais, voilà. Oui, après, ouais, c'est vrai que le. Non, enfin, c'est con de dire ça, mais le Japon. A vraiment une palette très large. En fait, tous les pays ont ça. Tu oui. prends n'importe quel pays, tu vas avoir trouvé vraiment du truc hyper pop, hyper. C'est ça. C'est juste qu'au Japon, tu passes très rapidement d'un à l'autre. Oui. Ouais, le Japon, ils ont moins de scrupules à cloisonner, tu vois. Oui. À se cloisonner même. Je sais pas, ils sont plus. Je sais pas. Ils sont peut-être plus, ouais, plus ouverts. De toute façon, c'est tant que ça leur plaît. Ouais, c'est, puis tu vois, ce vieux cliché du tradition et modernité, c'est très japonais, tu vois. Finalement, ça les représente bien, tu vois. Et puis ils ont une scène. Scène R&B qui est moins présente que chez nous. C'est ça, voilà, déjà. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est vrai. Il y a du J-rap. Oui, ma. Ça existe. Qui est beaucoup plus cloisonné que le nôtre, ouais. C'est vrai que là-dessus, ouais, ouais, ma, c'est, après... c'est beaucoup moins médiatisé. Déjà, et nu. Par exemple, toi, ils ont des bon, il est décédé, mais c'est pas grave. Ninjabe, par exemple, qui faisait les musiques sur. Qui a fait. Enfin, je sais pas s'il a fait les musiques pour. Samurai Champloo. Mmh. Mmh. Tu sais, ces trucs très derrière, oui, très, très, très, très, fun, très travaillé. Très, oui. Ouais, voilà. Et ça faisait du pou pou pou pou pou pou pou. Et dessus, la voix rapée, en fait, tu vois. Mm. Et dessus, tu vois que là-dessus, ils ont moins d'a priori, tu vois. Ils ont mis ça là-dessus, comme ils auraient pu mettre autre chose, tu vois. Et alors que c'était un truc qui était dans un contexte historique, c'est un truc qui avait absolument rien à voir, tu vois. Oui, c'est vrai, par rapport, on va dire, aux thématiques de Samurai Champloo. Mais voilà, parce que c'est deux mondes vraiment différents, quoi. Oui, c'est... alors qu'ils sont allés chercher du R&B et des trucs un peu pas funk, mais des trucs un peu. Groovy. Peu groovy, voilà. Un truc un peu gros, faut faire là-dessus, ils sont moins que la journée. Par contre, après, voilà, ils ont une scène métal. Le métal lui-même n'existe pas en tant que. Y a pas de métal en tant que tel, tu vois. Tu vois, ils misent trop un peu partout, tu vois. C'est vrai qu'il y a les baby metal là. Oui. Là-bas, ça les choque moins, tu vois. Alors que chez nous, on est là. Oh mon dieu! Oui, pour eux, en fait, c'est juste un groupe. Enfin, d'idol. Enfin, entre gros, voilà, gros guillemets. Ouais, dans le style metal, quoi. Mais... Voilà. Voilà donc, eux, ils trouvent pas le. On va expliquer quand même les baby metal. Ouais. Donc c'est trois ados. Les pompiers. Les pompiers. Trois ados qui ont 15 ans. Il y en a une qui est un peu plus vieille que les autres, mais voilà. Mais enfin, voilà, c'est vraiment des ados, des gamines. Ouais. Mmh. Oui, en trois fait, gamines, ouais, c'est des chantent. Gamines qui font du métal. Qui chantent des paroles. Pas spécialement métal, hein. Elles ont des paroles assez pop. Hein. Je crois que la chanson la plus populaire, elle parle de chocolat ou un truc comme ça. Mm. La première qui les a vraiment fait découvrir, c'était le truc sur le chocolat. Mais oui. Sauf que derrière, elles ont un groupe de métal. Oui. T'as des gros métalleux. La sonorité derrière, c'est du métal, c'est pas voilà. De la pop, c'est l'instru, du métal. L'instru est méga métal, et devant, t'as trois gamines de 15 ans, avec leur voix de Chris, qui te chantent des paroles pop. Et qui tient du chocolat. Et non, qui te parle des trucs sur du chocolat. Mais c'est le mind blow total. Mm. Mais... Mais ça, là-bas, ça passe. Là-bas, ils se posent pas de questions aussi, parce que tu vois, chez nous, ils parlent de. Enfin, des trucs, mais. C'est pareil, tu prends le hard rock, tu prends quoi? Les femmes. Non, mais je rigole pas. Les grosses thématiques du hard rock, c'est les femmes, l'alcool, la bière. Parce que l'alcool et la bière, c'est pas pareil. Tu prends ces trois thématiques, tu as résumé AC/DC. Et AC/DC, tu rajoutes dessus la surcouche blues, parce qu'ils adorent le blues. Tu as tout résumé. Et une fois sorti de ça. En fait, tu dis, mais le truc s'est résumé. Bon, il y a toujours qui vont te faire croire que ouais, le disque est compliqué, ou je sais pas quoi, Mais c'est pareil, le progressif, c'est des paroles où ils empilent, pas les clichés, mais ils empilent les conneries. En veux-tu, en voilà. Et c'est genre, ouais, un million de personnes ont embrassé des trucs, ou je sais pas quoi, des trucs super méta, c'est des conneries quoi. C'est des conneries. Et après, je vais te voir, ouais, mais Baby Metal, elle parle du chocolat, alors. Non, mais c'est des conneries, c'est des conneries. Pas la technique, mais c'est sur l'ensemble qu'il faut traiter, tu vois. Et tu vois, au Japon, là-dessus, ils sont un peu moins sectaires, tu vois. C'est vrai que quand... Enfin, j'avais eu des échos, je crois que c'était sur No Life, ou même en discussion comme ça, tu dis, ouais, c'est des groupes d'idoles... Enfin, c'est un groupe d'idoles qui fait du métal. En France, voilà, c'est ça. Je crois que c'est les réactions, c'est... Mais pourquoi Ah, mais là-bas, ça les a moins choqués. Oui. Parce que les groupes d'idol, c'est déjà très. Ouais, c'est assez large. C'est assez large, voilà. Oui. Et puis c'est méga populaire. Hein. Oui, voilà. Il y a un engouement derrière les. Le groupe d'idol qui. Le groupe d'idol qui est tel au Japon que. Oui, non. Après, voilà, on va dire c'est l'identité du Japon qui fait que les groupes d'idol, ils pourraient faire n'importe quoi derrière ce type de musique. Après, c'est la gestion, c'est comment c'est. C'est ça, eux ils parlent plus en termes de gestion, c'est ça. Je crois que t'as mis le nœud sur le problème. Eux ils parlent en termes de gestion, nous on parle en termes de style. Vraiment. Et du coup, nous c'est pour ça, nous les boys band, de suite quand on y passe, on passe à un style de chanson. Eux je pense que c'est un peu plus. Ils résonnent en plus de termes de personnes sur scène. C'est ça. Mais c'est pareil, du coup, le fait d'avoir donc la 7ème musique. Pour eux, c'est voilà, ils ont fait un truc comme ça. Peut-être que pour nous, ça nous choque un petit peu plus. Ah oui, non, c'est un groupe de rock qui a fait une chanson électro. Ouais. Il y a peut-être de ça. Moi, ça m'a fait tiquer quand je l'ai écouté. J'ai fait. Qu'est-ce que c'est, tiens? Oui. Qu'est-ce que ça fait là? Ça pareil, mais en fait, c'est le fait que ça soit différent, que je m'attendais pas à ça. Voilà. Après, voilà, c'est... Pas à ça. Non, mais parce que c'est totalement en dehors de leur répertoire. C'est pour ça. Du coup, du coup, ça crée un décalage. Du coup, voilà. Mais même au sein de l'album, ça crée un décalage total. Parce mais que carrément. Autant sur Prologue, donc il y a deux chansons qui sont. Alors, il y a une chanson qui est très calme, et une chanson qui est moyennement calme, qui se finit un peu plus en apothéose. Mmh. Ouais. Autant sur Tale 1, c'est vraiment que du pur rock du début à la fin, quoi. Il n'y a pas de chanson vraiment calme par rapport aux autres. Oui, ouais. Avec, plus rock, même s'il y en a, c'est vraiment du rock rock, et il y en a, c'est, on va dire, du rock un petit peu plus faible, mais sans que ça soit la balade. C'est ça. Ouais. Bah, c'est ça qui est... Et du coup, quand tu arrives sur ce septième morceau-là, donc Akashic Record, tu te poses la question. Moi, j'ai quand même adoré ce morceau. J'adore ce morceau, parce que l'électropop japonaise, ça me parle. C'est ça. Alors voilà. Le parfum, j'aime bien, mais sans plus. J'aime plus parfum, on va dire, parce que derrière, sur les clips, pour avoir l'esthétique. D'accord. Par rapport aux clips, je sais que les clips de Parfum, c'est super bien torché. C'est bien fait et tout. Musicalement, ça va aussi, même si je suis pas trop électro, je suis plus, on va dire, rock. Même clairement rock ou même dans cette corde-là. Du coup, le fait de passer d'une musique rock, c'est comme si, je sais pas, je dirais une connerie, mais en France, t'écoutes du trio et que d'un coup, ils te font du... du métal. Ils font une reprise de... Un truc complètement différent. Alors qu'eux, ils sont plus, même si on peut les apparenter au rock, parce que c'est un peu du roots, c'est du reggae roots. Qui fassent du rock, ça me dérange pas trop, mais qui fassent, on va dire, un truc purement, mais vraiment purement rap ou hip hop, je trouverais ça bizarre. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. C'est les deux extrêmes, en fait. C'est ça qui me dérange, enfin moi personnellement, dans le fait qu'il y ait un truc de rock et d'un coup bim, tu sais pas pourquoi t'as un truc plutôt électro qui arrive. Non mais on rigole, mais c'est une mentalité très européenne, très américaine aussi. Les albums sont très très formatés sur le genre, entre guillemets, même. Toi, moi je suis beaucoup des artistes comme Joe Bonamassa, tu vois, il a fait évoluer son blues au fur et à mesure des albums. Tu vois, au début, il était parti sur un truc très blues rock, donc Rory Gallagher, des trucs très très blues mais punchy, pour arriver à un blues plus... plus sanguin, tu vois, mais plus... Vraiment la racine du blues, tu vois. Et tu vois, chaque album a sa sonorité, tu vois, je trouve. Et là-dedans, ça déparait pas, même s'il y a des albums, même s'il y a des titres qui sont un peu plus... qui colle un peu plus ou moins à la thématique, tu restes quand même dans le même type de sonorité. Et là, quand tu écoutes The Musmus et tu as d'un coup ce titre, tu te dis... Mais qu'est-ce qu'il y a à la télé? Mais Marine Snow, ton de Dieu! En même temps, est diffusé sur nos lives le J-Top et en 15ème place en entrée, voilà, Marine Snow. Ouais. De The Musmus. Et tout à l'heure, il y avait Bindmade qui est justement c'était d'écouter. les Momohiro Clover Z. Z. Voilà. Parce qu'ils disent ça comme ça, parce que c'est pas bon. Donc, je trouve qu'au Japon, ils segmentent un peu moins, tu vois, ils sont un peu moins sectaires. Après, je pense aussi que cette chanson, c'était pour eux, c'était une tentative. Mais en fait. Ils se sont dit, on va tenter. Dans un truc qui pourrait toucher peut-être plus de public, qui pourrait les faire rentrer dans notre... faire découvrir. Pour aller chercher du public plus, plus vers du perfume, des gens qui vont écouter plus de l'électropop. Et leur faire découvrir une scène plus rock au travers de cette chanson. Oui. Moi je l'interprète un peu comme ça, cette chanson. Oui, mais en même temps, c'est artistique, c'est tentative aussi, tu vois. Et puis tu vois, c'est un peu mot jeté, tu vois, c'est un peu, on teste un truc et voilà. Et puis là, c'est vraiment, on va dire, une chanson sur un album. Oui, voilà. On va dire, non, c'est pas, voilà, ils vont pas faire un ça album. Ça coûte rien. Voilà. C'est, voilà, après... On pose ça comme ça et puis voilà. Mais elle en reste pas moins extrêmement bien faite, cette chanson. Oui. C'est pas non plus la dévaloriser. Après, oui, voilà, qualitativement, moi je dis que j'aime pas parce que c'est plus de l'électro. Après, en elle-même, si, c'est. Après, je me connais pas assez en musique, je suis pas assez calé pour dire, c'est bien fait, c'est le bon truc. Mais voilà. Moi, quand elle me l'a fait écouter, j'ai dit, il y a quelque chose sur cette chanson. Il y a quelque chose. Bah, après, c'est pas pour ça que en écoutant, des fois, bah, je tape pas du pied sur la table ou voilà. je fais le rythme ou je bouge la tête dessus. C'est juste que. Non, mais la musique, c'est toujours pareil. Selon les périodes de sa vie. C'est ça. Comment on l'écoute aussi. Selon comment on la reçoit, on la ressent différemment. Exactement. Les esthètes vont te faire croire que le black metal, je sais pas quoi, le black metal, super scène, je sais pas quoi, le pâté couffin, tu sais, nous, on se déguise comme Kiss, tout ça, pâté couffin, on est trop beau. Non, la musique, on la reçoit différemment selon le moment de sa vie. Bon, voilà. Oui, puis il y a aussi la façon de l'écouter. Je sais, bah, c'est voilà. sur un groupe qui est, on va dire, pas trop connu, je sais plus s'il est encore en cours, qui s'appelle La Phase. Ouais. C'est un groupe plutôt de rock français. Ouais. Et sur la première, sur un disque, je ne sais pas si c'est le premier, il y a une musique où ils ont invité, on va dire, un chanteur plutôt rap. D'accord. La première écoute, j'écoutais pas les paroles en fait, c'est parce que du coup ça sonnait rap. Voilà. Et puis t'es bien sorti d'a priori. Oui, et ça me sortait. Et ensuite, à force d'écouter, j'ai écouté les paroles, et en fait, c'est les mots, c'est justement sur la dictature des maisons de disques. Et le fait de manger d'écouter de la soupe. Mais oui. Mais c'est ça qui est puissant. Et en fait, du coup, c'est ça en fait, c'est à force de à force entre guillemets de l'écouter, de l'entendre, à écouter ce qui est dit. Une chanson prend un relief aussi par rapport à un vécu. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, mais c'est comme toutes les œuvres. Une œuvre au bout d'un moment où on est fini, elle est jetée. Et une musique, c'est ça. Toi, c'est comme les slow, des fois on dit les slow, ouais, d'un coup fin. Au bout d'un moment, dans un couple, quand tu te rencontres sur une chanson, eh ben, elle prend une thématique par rapport aux gens sur lesquels ils se sont rencontrés dessus. Et au bout d'un moment, voilà, pour l'artiste, elle est jetée, la chanson. Tu vois, c'est les gens qui en font après derrière. Oui. Pour eux, ils ont une idée de la musique, elle est figée dans, on va dire, dans cette sphère-là, et ensuite, t'as les gens qui se l'approprient pour Les chansons prennent une résonance. Et après, elles peuvent prendre des résonances différentes, parce que des fois, l'artiste, un beau jour, forcément, il meurt, et quand tu réécoutes la chanson, elle prendra pour toi une résonance différente. Parce que pour toi, l'auteur aura mis des mots où pas il parlait de sa mort, tu vois. Parce qu'il voulait pas en parler, je pense. Parce qu'il en parle rarement. Mais ça aura pris une résonance différente par rapport à toi. Et du coup, toi, tu imagineras un truc derrière, tu te diras, ah ouais, je pense que l'artiste a voulu dire, en fait, pas du tout. Mais c'est pas grave. Et ça qui est bien avec la musique, c'est que il y a une sorte d'empilement. Pour la bonne musique, hein. Sauf la musique de merde, autant te dire que 2-3 écoutes, t'as vite fait le tour, quoi. La bonne musique, pour moi, ce qui est vraiment la bonne musique, c'est la musique où tu, au fur et à mesure, tu découvres. Oui. Et c'est les musiques qui t'accompagnent. Oui, ça, c'est comme les bédans, en fait, t'as plusieurs niveaux de lecture. De lecture. Alors, du coup, je vais juste vous interrompre. On va passer sur la 7ème. Voilà. Et enfin, déjà, juste là, le doum, doum. Et la boîte à rythme derrière fait le tchuk, tchuk, tchuk, doum. C'est. Mais en fait, la boîte à rythme ponctue. Oui, c'est ça, mais du coup. Il n'y avait pas de boîte à rythme derrière avant. Non, il n'y avait pas de boîte à rythme. Sur les autres. Enfin, du coup, ça l'entend moins. Alors que là, je l'entends direct en fait. Et c'est ça. Et puis il y a ce clavier. Qui n'avait pas dans les autres morceaux. À peu près. Alors, on te laisse. Sous-entendre que ça va être de l'électropop. Oui, ça va être mais différent des autres. Attends, oui. C'est pas encore tout à fait. C'est ça. Là, le pfiou. Qui te dit, attends, ça va arriver. Oui, là en fait, c'est. Toute la thématique derrière, c'est vraiment le truc univers vraiment électro. Donc, tout, enfin, je vais dire tout le langage électro. Donc, boîte à rythme, tout, voilà, on te met des diffusions ou des. Mais d'un toi, ça garde quand même ce côté très. Oui. À chaque fois, tu vois, la batterie monte. Mais là, c'est le. Et c'est là qu'on sent un peu plus le côté. Là, du coup, ça, là. Ouais. Toi, à force de l'écouter, je sais comment c'est, mais du coup, ça me. Attends, ça reste dans la veine, mais c'est au niveau des sonorités que ça change. C'est ça en fait. C'est vu que. T'es plus du tout sur une sonorité rock. Voilà, c'est ça. T'es totalement synthétisé en fait. C'est ça, on a l'impression que. Grosso modo, reste dans la même veine. Hein. C'est ça qui est fou. Pour moi, j'ai eu l'impression que justement à ce moment-là, c'est le. En fait, il y a juste la chanteuse qui était là pour chanter et un mec derrière. Avec une boîte à rythme, avec un clavier, ça. Avec un. Je me suis pas renseigné sur la production de cette musique, mais pour moi, tous les. Le guitariste, le bassiste et le batteur. Ils n'étaient pas dans le studio au moment de l'enregistrement. Clairement. C'est ça, c'est tu peux faire cette musique-là à deux en fait. Oui, avec une boîte à rythme, tu peux. Il y a juste ce Chio qui chante dans un micro et un mec qui a fait une composition avant, un électro, et, ouais. Et elle qui met juste ça dessus. Oh oui, mais c'est pas aujourd'hui, hein. Des Beaux-Arts, des Bach faisaient déjà comme ça, c'était déjà des gens qui imaginaient de la grande musique de façon globale, et tu prends des groupes de Black qui se veulent très underground, Black Throne, ils sont deux, Satyricon, je crois qu'ils sont deux aussi, et il y a pas mal comme Bourzouf ou des trucs comme ça, je crois qu'ils sont qu'un. Hein. Enfin, c'est une musique monopersonnelle. Donc, quand tu y réfléchis finalement, est-ce que si c'est éloigné de ça que, ou pas, c'est la question, quoi. C'est pour ça que je te dis que cette musique, elle sert à élargir leur public. Voilà, plus que... Voilà. C'est ce que je pense aussi. Même, on va dire, parce qu'élargir leur c'est public... Après, c'est déjà fini, là, la musique. Elle est vraiment très courte. Hein. C'est très répétitif. Hein. Donc, après, je pense que c'est ça. C'est soit pour élargir leur public, parce que là, c'est vraiment, on va dire, la notion mercantile. Enfin, pour moi, quand je dis une musique comme ça, et c'est un groupe de, on va dire, de rock qui fait parce un truc électro... Elle a un côté marketing. Peut-être. C'est ça. Ouais. En fait, c'est pour, je sais pas pourquoi, mais pour moi, le truc électro, c'est plus le marketing qu'autre chose. Enfin, même si il y a, enfin, je dis pas que c'est forcément que de ça, mais pour moi, cette notion, c'est ça. Par rapport au reste de l'album, c'est la musique. Soit c'est parce qu'il y avait une personne qui a dit il faudrait peut-être des sonorités comme ça par rapport au texte. Enfin, après, voilà. Le texte, je sais pas. J'ai cherché vaguement. Akashic Record, je trouvais le truc, c'était assez compliqué, ça parlait de religion et tout, c'était super compliqué. Non mais les textes japonais, c'est toujours très... je sais pas. Oui, puis en plus... Là, quand ils mettent les traductions, c'est très... C'est la très traduction, on comprend pas, est-ce que c'est vraiment la traduction qu'on va lire, par exemple, quand ils sous-titrent les clips, musiques, les clips. Ou si c'est... Tu sais pas si c'est parce que... Si c'est pas l'intention c'est... ou le... Ouais. Je sais pas si c'est une traduction totalement littérale ou... Justement, c'est adapté à nous, mais en essayant de garder les mêmes sens derrière. C'est compliqué comme tu fais... Oui, puis après, on revient, pareil, sur un sujet beaucoup plus vaste qui est sur la traduction, c'est quand tu traduis, est-ce que tu cherches à traduire ce que la personne a dit mot à mot ou le mur de feu ou... c'est exactement... Mais est-ce que toi, t'as compris? Oui, voilà. Si la personne a essayé de passer un message, et dans ce cas-là, il faut que tu essayes de voir avec lui. Bah, c'est le symbole, c'est le symbole de la parabole. Oui, c'est dans ça. La Bible, c'est ça. Dans tous les écrits religieux, c'est la parabole. C'est l'effet d'expliquer quelque chose de simple de façon très abstraite. Pas abstraite, non, même de façon très concrète, même. C'est genre, Mathieu garde ses moutons, ah, il y a un mouton qui s'est égaré. En fait, c'est pour dire, ouais, il y a un gars qui s'est égaré, en fait. Oui. C'est ça, et si tu traduis, on traduit vraiment, il garde ses moutons, il garde ses moutons, quoi. Mais tu vas pas avoir l'aspect derrière de, si on retranscrit ça sur nous, c'est une personne, on est cloisonné, il y a une personne qui s'en va parce qu'il pense autrement, ou il va voir ailleurs. Voilà, c'est ça. Le problème problématique du progressif. Sans déconner. Putain, on aura brodé là-dessus. Hein. Donc, Akashic Record, je peux pas vous expliquer... Je pense que c'est un morceau où... Voilà. Je pense qu'à un moment, on peut pas y apporter un jugement de valeur en lui-même. Je pense qu'il est là. Traduire. Et puis voilà. Je vais essayer de choper une traduction. Et puis, je sais pas. Donc, Akashic Record, dans la théosophie et l'anthroposophie, les Akashic Record, donc les archives akashiques, sont des recueils de pensées, des événements, des émotions considérés comme théosophes, à coder dans un plan non physique qui serait le plan astral. Voilà, donc je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Moi, c'est méta. Là, c'est les traductions des paroles ou le... Non, c'est la signification de Akashic Record. D'accord. Et donc, Akasha, d'où vient le Akashic, ça viendrait du sanskrit qui veut dire éther. D'accord. Ou atmosphère, tu vois. Oui. Donc c'est compliqué. Donc je connais pas après la signification derrière les paroles de la musique, mais enfin. Tu sens que c'est plus, on va dire, spiritueux, et nébuleux et voilà. Voilà. Donc ça fait encore un décalage total entre les paroles et la musique. Voilà. La spiritualité ou le côté religieux du titre ou. Des paroles qu'on comprend pas et le fait que ce soit complètement électro. Après c'est peut-être toi idéologiquement, pareil, quand tu, si tu regardes les rave parties, c'est les mecs qui sont en train de, ils sont dans un état second. Et c'est peut-être pour ça que c'est plutôt de l'électro. Pour amener dans cet état ou faire référence à cet état-là où ils pensent à autre chose. Bon, du coup, c'est bon pour vous sur Je Muche-Muche, rien d'autre à... On est presque à la fin de l'album. Bah oui. À noter que si avec moi on avait écouté les progressifs, on aurait fait une chanson. Et demi. Une chanson et demi. Voilà, grand maximum. Et comme il n'y avait pas de paroles, on n'aurait rien qu'à décrire. Mais on aurait compris quand même les trois paroles qu'il y avait. Moi, du coup, je laisserai en bande son même pour ton quiz et. Oh, mais c'est pas grave, hein, c'est un album. Oui, enfin, pour finir l'album, comme ça on écoutera et. De toute façon, personne nous écoute. Si, on nous écoute. Faut pas dire ça. Donc, du coup, bah, merci pour cette imposée. Mais grand merci, même, j'allais dire. Ouais, du coup, merci de t'être ruiné pour nous faire écouter de la musique. Oh, écoute. Et puis, Vidal est à laquelle je suis. Je sais pas si c'était très. Le prologue, il coûte à peu près 1200 yens et l'autre, il coûte à peu près deux fois plus. Oui. Oui, donc ça fait grosso merdo du 10, 10, 20 10 euros. Ouais, il y en a un qui coûte 10, 12 euros et l'autre qui coûte 20, 25 euros. Oui. Et ben putain. Plus les frais de port. Plus les frais de port, tu comptes 10 euros de frais de port. Oui. Et ben putain. Ah, c'est ça qu'on fait de la porte de musique. Hein. J'en ai eu pour, je crois, 50 euros au total. Oui. À une vache près, j'en ai eu pour 50 euros. À une vache près. Bah merci bien. Vous les trouvez. À noter que vous ne les trouverez pas sur iTunes si vous voulez vous iTunes sur ta mère. Voilà. Si vous voulez les choper. Eh ben, il va falloir les commander sur CD Japan. Oui. Et avec la petite astuce qu'il faut que faut cocher le gift pour pas trop payer. Si vous cochez gift, il y a un petit truc en dessous qui vous dit attention, si vous cochez gift, ça veut pas dire que vous allez pas payer de taxes de douane, mais enfin, moi j'en ai pas payé en tout cas. Oui, il y a quand même moins de chance, c'est plus de chance que t'as payé. Voilà, si tu coches pas, il y a 100%, si tu coches. Oui. Il y a peut-être pas 100% de chances que tu ne payes pas, mais pas loin. Oui, à mon avis, c'est par rapport à ta commande. Si tu fais 50 CD et que tu fais un gift, ouais. Voilà, si à mon avis, ça va être. Le gift est rose. Voilà, si tu fais 5 albums, je pense que ça va être la limite. Voilà. Oui, ça va après. Ils tolèrent, les gars. Ils lui donnent autre chose à foutre. Hein. Ah, du coup, on va passer sur le douiz de monsieur Gandalf. Le douiz. Ou le couissier. Le couissier. Alors, du coup, que je retrouve le jungle. Le jingle, il l'a. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Toi, en même temps. Enchaînement. Enchaînement. Ouais. Alors moi j'enlève l'écouteur parce que je suis dans un état lamentable. Donc dans un état proche de du coma éthique. De l'Ohio. De l'Ohio. Ohio. Attends, vas-y, refais là. Attends. J'étais dans un état proche de l'Ohio. Et pourquoi tu dis ça? Mais tu connais pas la chanson Je suis dans un état proche de l'Ohio? Non. Non. C'est une chanson genre de je sais pas qui de celle qui chante en rouge et noir ou je sais pas qui. Ah oui, d'accord. Non, déjà Piccolo, s'il vous plaît. Attends, je vais trouver ça. Vas-y. Je suis dame pas bien. Donc je vous ai fait un quiz dossier. Parce qu'il faut quand même apprendre quelque chose. Ah donc du coup c'est un dossier, un quizier. Oui, je suis dame pas bien, ça va pas. C'est extrait du courrier international 1290 et c'est d'une source de Die Zeit. Et Die Zeit en allemand, c'est dire le temps. D'accord. Et donc ça va vous parler des matériaux, donc aluminium, or. C'est Isabelle Adjani. Isabelle Adjani. Pardon. Enculé. Acculé, je suis pas bien. C'est toi qui t'es resservi en whisky, hein. Ouais. Je veux pas dire, mais. Ouais. Je pense que j'ai eu Trétor. Michel. Michel Trétor. Michel Trétor. Et tu sais que le tortue. les gens qui écoutaient ce podcast sont morts. Maintenant, on peut continuer. Et est-ce que t'as ton marteau? Oh putain, elle est bien celle-là. Tu sais qu'une fois ma soeur m'a vu. Je réparais la voiture avec un maillet. Elle m'a dit c'est le marteau de Thor. Et que j'ai beaucoup rigolé. Donc, alors c'est un quiz sur les matériaux renouvelables. Donc, c'est extrait du courrier international 1290 et source date, le temps, en allemand. Et j'ai mis un titre d'anthologie Donc, la fin du monde qui nous guette. Et nous, on fait des posts. Oh, blague de codeur. Blague de codeur. Blague de dev web. Blague de dev web, parce que nous, on peut faire des guettes et des... Et des posts. Des posts. On peut faire des puts et des delays et des... Ouais. Et voilà. Des aides aussi. Ça peut faire des aides. C'est plus rare. C'est bien plus rare quand même. Donc, Easy, hein, je ne fais que reprendre les meilleurs éléments de... C'était une infographie. Voilà. Donc, Easy en 2007, alors je vous lis la phrase telle qu'elle parce que j'ai du mal à la comprendre. Et pourtant, j'étais sombre. Easy en 2007, on avait puisé dans le sol autant de pétrole que ce que l'on pensait disposer en 1980. Alors, je ne sais pas si c'était en termes de quantité ou sur l'année. Si c'était au total ou sur l'année. Mais visiblement... On a atteint nos réserves, quoi. Enfin, on a... Visiblement, on a su augmenter les réserves, mais pas trop. Donc, les réserves connues ont doublé avec l'aide, entre autres, de l'exploitation du schiste bitumineux. Donc, c'est ce qu'on essaie de nous vendre à côté de Pôle. C'est le gaz de schiste. Devenu rentable, forcément, parce que vu le coût des matières premières, un jour ou l'autre, ça devient rentable. Le rapport, les limites de la croissance, je ne rigole pas, de 1972, tablé sur une fin du pétrole vers 2025, sur le postulat d'une consommation croissante et d'une multiplication par 5 des réserves. Mmh. Donc je vous laisse sur ce postulat-là, et maintenant je vais vous donner des matières premières rares quand même, pas du blé, pas du... Voilà, et je vais essayer de vous faire deviner donc la fin hypothétique des réserves, et après je vous parlerai... à côté de ça, de l'utilité. Donc c'est pour ça que c'est un quiz dossier. Donc avant ça, un petit verre d'eau parce que je suis d'un pas bien. Je suis tout sec déjà. Je pense que du coup on écoute du Baptisma. Voilà. Baptisma. Oui. Qui voilà, en prologue, première piste, ça envoie quand même. Hein. Ah, qui te met dans la mire. Tu veux dire que tu as ambiancé? Je suis hypé. Je suis enculé, je suis même pas bien. C'est pas bon. Et puis je vois qu'il y a une pointe là. Et chacun son tour. Chacun son temps. Je crois que moi j'ai été pas bien. J'ai été pas bien. Si je vais pas faire une galette à la fin de ce dossier. C'est ce que je me disais hier soir en fait. On a tous été un petit peu. pas bien. Donc je vais vous parler de la matière première, le diamant. Et d'après vous, quelle est la fin hypothétique des réserves de diamant? C'est une matière première le diamant? Ah oui, c'est une matière première. Bref. C'est une matière première, entre guillemets. Hein. Le diamant, c'est du carbone. Est-ce qu'il y a vraiment une fin? Je parle gamin. Brut, que tu découvres. Voilà. Pas gamin. Pas diamant de synthèse, parce que le diamant de synthèse n'est pas encore tip-top. On s'en sert énormément. Pas, le diamant, voilà. Comme le tu diamant, dis, ça reste que du carbone. C'est du carbone. C'est du carbone, mais qui a été fondu, soumis à une pression phénoménale dans les entrailles de la Terre. Quoi. Donc, Oh non, il y aura toujours moyen d'en faire, ça je suis d'accord. Après, c'est le diamant en tant que tel. Oui, que tu découvres en fait, comme le pétrole en fait. Ce que tu découvres. Voilà, je crois que c'est le postulat de ce quiz. Ah. C'est... Avec les matières premières comme ça, ça se fabrique sur du très très très très très très long terme. Ouais. Mais c'est extrêmement compliqué de faire du diamant. Bah, oui, c'est pour ça en fait. C'est au final, oui. C'est un truc de fou. Le diamant, c'est pour ça en fait. Oui, on va arriver à un moment. Tu vois, le charbon qu'on utilise pour le barbecue, bah, c'est du diamant, mais c'est juste qu'il n'est pas la même densité. Ça sort. C'est juste que ça, ouais, ça met très longtemps à se fabriquer. Donc, oui, à un moment, on va arriver à la fin. Mais si voilà, si on... Enfin... Je ne sais rien, 10 ans. Par rapport à maintenant, tu te dans le vrai, ça. Je sais pas, ouais. Après, bien. C'est des réserves, c'est fin hypothétique. Hein. Oui. Donc... Bah après, ça dépend des réserves aussi, de la consommation du... Voilà, donc... Enfin, je sais pas si on consomme vraiment beaucoup de diamants qu'on trouve... On a connu finalement plus qu'on pense. Ouais. Tu verras, par rapport aux utilités, tu verras. Je sais pas, j'ai 10 ans aussi, non. Ouais, c'est, en fait, c'est fin hypothétique 2022. Ah oui, dans moins de 10 ans même. Oui, tu vois, donc... Ouais. Et à quoi ça sert, donc forcément, la joaillerie. 6 ans, ouais. Du coup. Ouais. Après, c'est hypothétique, donc oui. On sera toujours, mais bon. Après, le problème, c'est toujours entre l'ambivalence, entre le fait d'exploiter, la rentabilité qu'on en a, et le... C'est pour ça que... en ouverture, je parlais du schiste bitumeux. Le schiste bitumeux, c'était à une époque, c'était impassable. Et maintenant, vu le coût du pétrole, c'est devenu rentable. Mmh. Voilà, ça parle de tout. Donc ça sert forcément pour la joaillerie, ça je vous apprendrai rien, forcément. Ouais. Mais ah, on s'en sert aussi surtout pour les outils de coupe et d'usinage. Oui, oui, c'est rien, c'est hyper résistant quoi, il n'y a rien qui peut casser le diamant, à part le diamant. C'est ça, c'est quasiment incassable. Oui, en termes de résistance connue, t'es proche de l'incassable quoi. Et donc on s'en sert ben, par exemple pour les scalpels aussi. Mmh. Il y a des scalpels avec des lames futées en diamant. Et après, donc du coup, ça fait partie des pierres précieuses. Donc du diamant, rubis, saphir, émeraude. C'est les pierres les plus rares. Comme Pokémon. C'est ça. Mais c'est les seules le précieuses. Donc c'est les semi. Après, tu pars sur les semi-précieuses. Les semi-précieuses, les pierres un peu. Voilà. Ouais, c'est compliqué après les catégories. C'est compliqué. Ça, c'est les pierres précieuses. Et après, c'est pour ça que je vous parle du carat. Donc la masse d'un diamant se mesure en carat, qui équivaut à 0,20 g. La masse d'un diamant est exponentielle par rapport à sa masse. Autrement dit, un diamant de 2 carats a une valeur supérieure à 2 diamants de 1 carat, puisqu'il est considéré comme plus rare. Oui. Donc voilà. D'accord. Donc c'est comme si 2 pièces de 1 euro, c'était moins qu'une pièce de 2 euros. Voilà, c'est ça, tout simplement. Oui, enfin, c'est logique, tu trouves plus facilement une pièce de 1 euro qu'une pièce de 2 euros en fait. Voilà, c'est ça. Alors que au niveau mathématique somme, c'est la même chose, mais c'est le. On va dire le oui, c'est le pourcentage. Ben, pour une pierre précieuse, c'est la mathématique à plus court, quelque chose de plus gros quoi. Oui. Au bout du moment, c'est voilà. C'est surtout qu'on y va franco de bord en plus. Non, maintenant je vais vous parler du lithium. Ça dépend, c'est beaucoup. Je vais vous dire un peu plus de commentaires. Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Le lithium. Déjà, je vous laisserai servir à quoi ça sert, parce que je vous Le lithium, on l'utilise, on va dire, principalement dans les batteries. Enfin, le lithium, enfin, tout ce qui est. Tu es dans le vrai, mais tu vas voir que tu vas être surpris. Ah ouais. Mais moi, justement, si on le dirait que pas beaucoup. Pas beaucoup d'années. Pas beaucoup d'années sur 20. Et toi? Moins de 10 ans, on peut dire. Ouais, non, moi, dans l'idée, j'étais parti sur 30, mais vu ce que tu me dis, j'irais beaucoup moins en fait. Non, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est en 2364. Ah, d'accord. Donc les réserves de lithium sont quand même assez. 150 ans. Quand tu réfléchis à la durée de l'espèce humaine, ça fait très peu quand même. Oui, après, oui, on s'en fout, on sera plus là. On sera plus là. Nous, on sera mort, on sera plus sot, on sera plus sot, on sera plus repuceau. On sera mort parfois. Mais non, on n'est pas plus sot. Tu peux pas devenir repuceau. Ah, c'est dommage. Quoi, dommage. ça m'aurait fait replaisir de redécouvrir les plaisirs. Bref, alors, le lithium est utilisé principalement pour des verres et des céramiques. Ah oui. Au niveau de 35% de la production de lithium. Et derrière, forcément, arrivent les batteries. Les piles au lithium. Après, on a les graisses lubrifiantes à hauteur de 8% parce que les batteries, c'est déjà 31%. Et on a le traitement de l'air au niveau de 5%. Le traitement de l'air, c'est le traitement de l'air dans les confinements sous-marins. D'accord. Donc oui, ça soit pour sous-marin, je pense que... Des filtres, en fait. Oui, des filtres. Oui, ça. Je cherchais le mot, j'allais dire, pour dépolluer l'air. Donc voilà, dans le lithium, on en a encore pour un certain temps, mais voilà. Surtout que les batteries, c'est difficile. Encore le diamant, ça va. On peut en faire des synthèses, même s'ils sont carrément moins bons. Le lithium, ça se recycle pas, si. C'est compliqué. C'est que pour les c'est cher. Oui, voilà. C'est beaucoup trop cher pour que ce soit rentable. Tu vois, pour l'instant, il y en a qui rigolent avec les pubs de Energizer où on recycle 5% de piles. Ouais. Mais 5% de piles, c'est déjà. Enfin, c'est vraiment le. Enfin, les gars se sont mis à poil, se sont tous enculés comme des. Ils étaient heureux. Parce qu'ils en pouvaient plus. Après 1h20, ça y est, c'est ici, tu vois. Ils en pouvaient plus. Ils avaient les couilles comme des maisons. Ils avaient des vagins pleins d'eau verte. Parce qu'il faut pas être sexiste. Ils avaient le chimail de je sais pas comment tu veux. Bref, il est type était heureux. Bon voilà. Après cette interlude de merde. Voici maintenant le cuivre. Bon le cuivre, je vous offrirai pas un topo. Mais le cuivre, jusqu'à quand on en a? À peu près. Le cuivre on l'utilise tellement. Ah le cuivre, ça Pour moi, je vous le dis tacitement, c'est comme le pétrole, c'est la base de la civilisation moderne. Bah oui, bah, après je mets ça en perspective. Le sable aussi, oui. Le sable aussi. Je mets ça en perspective par rapport à la valeur du cuivre. Oui. Donc. La valeur du cuivre monte, donc on se dit que forcément c'est ça, le cuivre est de plus en plus rare. Mais... Et quand t'as les gens qui volent justement des trucs en cuivre pour pouvoir les revendre parce que le prix, au, je crois que c'est au gramme. Et... Oui, voilà, le prix, du vo- le prix du, de se faire gauler vaut le. Oui, c'est ça. C'est... Le prix de l'or, hein, c'est ce que tu veux dire. C'est ça. Donc... C'est là que tu te rends compte que. Voilà. Par rapport à ça, en fait, je pourrais pas te dire. Est-ce qu'on en a vraiment. Est-ce que c'est vraiment le cuivre en tant que cuivre ou en tant que minerai? Voilà, en tant que mine. Voilà, ah oui, dans ce dossier, tu sais on parle du minerai parce qu'après ouais, c'est recyclable, oui. Mais oui, voilà, tout le monde le sait que dans le recyclable il y a toujours un minimum de pertes. Il y a un peu de pertes, mais c'est. Oui, c'est comme si tu fais des copies de copies de copies. Tu scans. Une fois ils avaient parlé d'envoyer dans l'espace des sondes qui étaient réplicables. C'est-à-dire qu'elles se répliquaient à elles-mêmes. Ils avaient. Il y a un algorithme qui fait qu'on atteint une limite au bout de voilà. Oui, au bout de certaines oui, temps, à part on atteint de une X copie et que la dernière copie devient oui. Et dit Google. Ah. Et du coup, on peut plus rien faire avec. Donc c'est la limite. Donc voilà, pour le cuivre d'après vous 50 ans. Non, j'ai 300 ans. 50 ans tu dis? T'as dit combien de temps? 300 ans. Non, c'est plus qui est plus proche. Donc c'est toi qui est plus proche. Donc en fait on en a jusqu'à à peu près 2052. Ouais, ça fait moins de 40 ans. C'est moins de 40 ans. Donc 40 ans, c'est ouais, à peu près une grosse génération. C'est une bonne génération. Donc, c'est... Pour moi la génération c'est le point d'orgue, toi. C'est le point où on s'en fout un peu, tu vois. Oui. Et donc le cuivre, donc forcément, alors environ 98% des éléments de cuivre est utilisé sous forme de corps simple, donc vraiment où on s'en sert de base, ou de ses alliages, profitant de ses propriétés physiques spécifiques, malléabilité et ductabilité. Ductabilité, c'est le fait de tordre en métal et qui garde sa forme, c'est qu'il ne se tord pas. D'accord. Un peu comme ça. Un peu comme l'or, tu vois, l'or est très ductible. Oui. C'est-à-dire que l'or, il n'a pas de. Tu peux le. Enfin, c'est très malléable. Enfin, voilà, il garde sa forme. Voilà. L'or, et par exemple, il est très excessivement ductible. C'est-à-dire que si tu fais des trucs purement en or, un bracelet, tu le prends, tu es. Il le tord, quoi. Tu peux rien faire quoi. Et donc forcément pour sa bonne conductivité thermique et électrique et du fait qu'il est résistant à la corrosion. Donc en fait à peu près des métaux les plus conductibles et ainsi de suite, c'est celui qu'on trouve en la plus grande quantité. Et parce que l'argent est le meilleur conducteur si ma mémoire est bonne. L'or, surtout. L'or voilà. Sauf que ben forcément. Mais en termes de prix, c'est pas la même chose. En termes de prix, on en est très beaucoup moins. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc pour l'instant le cuivre, bon ça va mais pas trop. Oui, on est un peu dans la merde mais bon. Maintenant je vais vous parler de l'uranium. Alors l'uranium, ça c'est, je l'ai mis parce que c'est vraiment le truc un peu très spécifique. C'est-à-dire que est-ce qu'on est conscient de, ou est-ce qu'on sait toutes les ressources d'uranium qu'il y a sur la planète, c'est ça le truc. Allez, mais... Je peux te dire que les ressources d'uranium, c'est il y en a très pas spécifique. Ouais. À mon avis il y en a très très peu. Et c'est dans des pays où ça se bagarre. Ouais, bah, oui. Forcément, c'est... De toute façon, là où ça se bagarre, c'est parce qu'il y a du uranium. Oui, ça, c'est pour que là où il y a des terres rares, hein. De toute façon. Ils vont pas se bagarrer pour ramasser. Du bois. Du bois. Du bois. Oh, quoique, ça n'est pas quel bois. Mais si c'est du palissandre ou je sais pas quoi, ça se bagarre. Hein. Du tech. Mais du tech. C'est du Ikea. C'est du Ikea. Hop là, on prend. Donc voilà, l'uranium. L'uranium, il en reste pas beaucoup. On dirait un an. Non. Que 15 ans. Plus ? Un peu plus que 15 ans. 30 ? Un peu plus. 100 ? Bah voilà, à peu près. Donc l'uranium, on en a jusqu'à 2102. À peu près. Donc, alors l'uranium a servi pendant longtemps pour pigment dans la verrerie. Hein ? Bon, pour la céramique et la faïence. Pigment, sous forme pigment de. Hein ? Pour teinter en verre ? Oui, ouais. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est vrai. Sous forme de. T'as vu mon joli t-shirt vert? Il est phosphorescent. Mais je porte pas mon t-shirt. C'est sous forme de diuratane de sodium ou d'ammonium. Il est pyrosulfurique. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Employé comme arme anti-char dotée d'un fort pouvoir à la fois pénétrant et incendiaire. Donc. Oui. En fait, c'est un projectile, une fois qu'il a percuté quelque chose à forte température, il prend immédiatement feu. Et c'est ce qu'on appelle l'uranium approuvé, en fait. C'est pour ça que c'est utilisé pour les obus et surtout les chars. Hein. Parce que les chars, ils ont souvent un gros blindage. Et du coup, on s'en sert pour... Ça fait fondre. Ça fait fondre, voilà. Au niveau de l'impact, ça... Allez ! Oui, t'as une forte... Enfin, du coup, à l'impact, ça dégage beaucoup de chaleur. Voilà, et ça permet de faire des gros dégâts. Et puis, c'est un petit peu radioactif, quand même. Oui. Même, vous serez qu'au minimum, pas trop, mais... Ça reste quand même un peu... Voilà, c'est pas forcément pour ça qu'on l'utilise, mais... Voilà. Et maintenant, je vais vous parler... Alors, si vous connaissez, les gars, chapeau lastico, c'est même moi, je connaissais pas, le tantane. Alors, c'est pas une tantane de ta gueule. Une tantane. Ça, c'est sûr. Après, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et là, vous allez vous dire, ah oui, quand même. Je sais, on peut avoir un minimum d'indication sur ce que c'est le tantane. Ouais. Alors, je vais vous lire la première phrase. Le tantane, alors, c'est un corps simple. Alors, le corps simple, tantane, est un métal de transition gris-bleu. Lourd, dur et ductile, donc on peut le tordre, voilà. Très résistant à la corrosion des acides et bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. Ça va être un truc hyper cher. Après, je sais pas les prix, j'ai pas trop fouillé le truc. Mais je pense que ça doit faire partie des métaux plutôt rares. Plutôt rares et plutôt chers. Ouais. Donc voilà, donc je vous laisse estimer la fin hypothétique. Pas dans... Ouais. 30 ans. J'allais dire pareil. La dose, tu peux monter encore un peu, ça va. C'était large. 100 ans. C'est encore large. 200. Ah, 200 grammes. À peu près, ça finit à aller à 1182. Ouais. Et pourquoi on s'en sert du tantane? On s'en sert pour... Le tantane est utilisé pour la fabrication d'instruments chirurgicaux et d'implants, car il ne réagit pas avec les fluides corporels. D'accord. Voilà. Et il est aussi utilisé dans l'élaboration de super alliages comme additifs. Ces alliages servent surtout dans les milieux très exigeants, thermiquement et chimiquement. Là, je prends le... Ah, j'ai pas fini. les turbines de réacteurs d'avion ou les turbines à gaz, voilà, c'était soumis à une température très costaud. Ouais. Ces alliages à haute performance sont souvent sous forme de monocristaux et offrent de très bons comportements au fuage, à la corrosion et à la température. Donc c'est des trucs. Et il est utilisé donc dans l'aérospatiale et aussi dans l'aéronautique civile. Reste de le serveur ou la demande de ce matériau. Il l'a plus demandé. Et on s'en sert aussi beaucoup comme conducteur. Parce qu'il a une forte capacité. Pour ceux qui ont fait de la physique, forte capacité. Maintenant, je vais vous parler de l'or. Alors, l'or, d'après vous, jusqu'à quand on en a? À peu près. Hein, pour... Ouais, je dirais 100 ans. C'est un peu plus petit. 50 ans? C'est un petit peu plus petit. 25 ans. Mais tu t'approches. Je pensais qu'il en restait beaucoup plus, tu vois. Ouais, 20 ans. 2032. Ah, bon, j'aurais dit 250 ou 300 ans, tu vois. Donc, l'or, voilà, on n'a pas tant que ça. Donc, il est utilisé en connectique et en électronique. Fait de réaliser des contacts inoxydables. Après, on connaissait quoi, l'IT en joaillerie, forcément. Je ne vous ferai pas un topo. D'ailleurs, il est utilisé, par exemple, à des alliages d'argent ou de cuivre, ce qu'on appelle l'or jaune ou l'or rose, et au cuivre l'or rouge, et à l'argent l'or vert. L'or blanc. Et l'or blanc aussi, voici les deux, ça dépend selon le dosage que tu mets. On peut faire de l'or vert aussi avec. Et pour information, les carats correspondent à des 1/24, c'est très compliqué, 1/24 parties d'or de la masse totale d'un alliage, et peuvent être convertis par un calcul simple en pourcentage massif d'or, massifique d'or, pardon, compris dans le métal. Donc, quand tu es à 24 carats, en fait, ça correspond à 24% de la masse, je crois. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est ça, donc, enfin, à peu près, je pense que les gens vont mieux d'aller voir. C'est plus simple à m'expliquer sur Wikipédia, parce que c'est assez compliqué, finalement. Mais voilà, c'est à peu près la logique qu'il y a derrière. Après, maintenant, je vais vous parler du pétrole brut. pense que c'est... Tu vois, si la société mondiale s'abuse sur quelque chose, c'est ça. Voilà. On dit toujours qu'il y a un reste pour 30 ans, donc je vais dire 30 ans. Bah, je sais pas, parce que plusieurs fois, là... Peut-être repoussé, c'est bien. C'est revenu plusieurs fois, comme quand on avait dépassé nos réserves, en fait. Bah, c'est ce que j'ai eu au début, après, hein. Donc moi je dirais que on en a pour on va dire 10 ans ou une vingtaine, mais c'est mon 20, tu dis 30 ans. 30, mais c'est toi qui est plus proche parce qu'on est à 2068. Oh, ah oui, va, oui, oui, non. Oh, ça va, c'est bon alors. Donc forcément, j'ai juste mis rapidement, hein, on s'en sert pour le transport forcément. Ça, on en met dans toutes les bagnoles à peu près. Non, mais dans toutes les bagnoles. Hein. Parce que... Les bagnoles, les avions. Voilà. Les routes. Ça sert pour. Le bitume. Le bitume, voilà. Pour les plastiques. Sur ce. Le textile aussi. Mm-hmm. Pas mal de. Tout ce qui est en polyester, tout ça, c'est du. C'est du pétrole. Et les engrais aussi. Donc même dans l'agriculture, donc forcément, ça. Ça peut poser beaucoup de questions sur notre consommation. Ah, il y a quelqu'un qui se pose une question. Oui, non, mais c'est... Je vous ferai voir après. D'accord. C'est étonnant. On continue, c'est étonnant. Maintenant, je vais vous parler du... Alors, de quelque chose qui a été très utilisé, qui n'est plus exploité chez nous pour l'instant, vu le cours, mais peut-être que ça risque de revenir, on sait jamais. Non, c'est le charbon. Le charbon. Alors, jusqu'à quand on en a du charbon? Et après, je vous ferai la liste des pays qui l'utilisent le plus. Vous allez être l'Allemagne. Qui utilise le plus de charbon? Ah non, c'est... non, peut-être la Chine. La Chine, ouais. Voilà. La Chine. Je vous en reparlerai après. Le pays en voie de développement, c'est... Et vous allez être surpris, vous allez être surpris. Du charbon? Ouais, le charbon, vous allez voir, vous allez... je pense que vous allez être un petit peu surpris des deux aspects. Je pense 50 ans. Enfin, en tant que matière brute, contre, on va dire 50 ans. Ok. Moins. 30. Et en fait, c'est plus. Ah. Et non, mais en fait, voilà, personne ne veut surinchérer. En fait, c'est 2125. Donc, on a un peu pour 100 ans. 110 ans. 110 ans, à peu près. En termes de consommation, donc on s'achère déjà de chauffage au, voilà, au minimum. C'est, très, c'est là où c'est le plus utilisé. On peut s'en servir aussi pour carboner l'acier. Souvent. Mais c'est un peu plus rare maintenant. Donc là où ça sert le plus, vous l'avez dit, c'est la Chine, l'Inde, les États-Unis et le Japon. C'est vrai que les États-Unis, c'est le seul pays vraiment développé qui n'ont pas signé le... l'accord de, ouais, de l'utilisation du... Ouais. C'est ça. Parce que le charbon, en fait, dégage beaucoup de beaucoup de gaz d'émissions, enfin, beaucoup d'émissions. Mais là, je vais vous parler d'un truc que j'aime beaucoup. Vous savez que quand je vois une jolie fille, je dis que j'ai le slip en tungstène. Donc là, je vous parlais de tungstène. Ah bon? Oui, c'est quand Je traîne pas quand souvent avec toi alors. C'est quand j'ai le slip. Heureusement. C'est quand j'ai... En fait, c'est quand j'ai le slip qui produit du déchirement, tu vois, tellement je suis pas bien. On va dire que c'est sexy ce que je dis, mais en même temps, j'aime les femmes. Donc si j'aimais les hommes, je dirais que je verrais un bel homme. De cis blanc hétéro. Bah. Espèce de. Tu vois, comme le podcast précédent. Enfin, en cis, moi je sais pas. 1, 2, 3 dans ma tête. 5, 6, c'est bon. Donc maintenant, je vais vous parler. Putain, j'en comprends. Nul. C'était nul. Ah, mais j'ai jamais dit que ça allait être bien. J'ai jamais dit que ça allait être bien. Même pas de jingle. Oh. c'est le troisième épisode, on n'est pas bien. On reste comme ça. On laisse traîner. Ah ouais? Je suis chaud pour un quatrième épisode. Moi. Bah, on enchaîne. Hein. Bon, après, on va marcher parce que j'en peux plus. Si, je vais te faire un... Au coin de la rue, je te fais un flingue. Si tu veux, après, on enchaîne sur un quoi qui se passe. Hein. Moi, c'est. Moi, je te fais un flingue au coin de la rue. On est pour vite, je suis pas bien. 6.4. Allez, on va. On n'a pas de couilles, on n'a rien. Donc le tungstène. Donc voilà, c'est un matériau très... Pas tant que le diamant quand même, mais... Tu sais qu'au micro, ça s'entend bien quand tu tapes sur la table? Bah c'est pour ça que je le fais. Connard. Pense à nos auditeurs, merde. Mais ils verront que c'est... Du sonore et très méchant. Sonore et très méchant, ouais. C'est du podcast sonore. Sonore, oui. Oui, c'est fait pour. C'est un podcast audio. Hein. Je te rappelle, audio, monde, sonore... Je veux pas tomber dans ton piège, je suis pété. Je veux dire qu'on n'est pas sur YouTube, c'est ça? On pourrait, qui met la pochette en fond. Oui, bah si c'est pour faire ça. Hein, Peut-être ma maman elle fait quoi? 70 ans. Un peu moins. 25 ans. Un peu plus. 30 ans? De plus. 40. 45. 55. Entre les deux. 50. Bon, à peu près, voilà. Dans le tungstène, on en a jusqu'à 2062. Dans le tungstène, ça sert principalement, on s'en sert pour la fabrication des filaments, des ampoules électriques et des tubes cathodiques. Oui. Parce que c'est très résistant et ça résiste bien à la... À la... c'est un haut point de fusion, et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça qu'ils mettent après, ça sert pour faire des électrodes. Et aussi des très fins filaments, parce que c'est un point de fusion très élevé. Donc tu peux le faire monter à haute température. Voilà, haute température, sans qu'il fasse comme nous une fois qu'on a débandé. Bah, comme toi, pas pour toi. Et si au bout de 3 heures tu débandes pas, moi je t'appelle champion. Moi je t'as un problème de turgescence et c'est pas beau. Moi je t'appelle le champion. Donc voilà, il sert à ça. Il sert aussi du coup à faire pas mal d'outils de carbure dans les centres d'usinage et tout, parce que c'est extrêmement résistant. Et donc du coup, avec son point de fusion très haut, on peut se permettre d'usiner d'autres métaux sans que son intégrité soit prise en compte. Oui. Maintenant, je vais vous parler de... Attention, si vous connaissez Champion du Monde, parce que là, on arrive dans le top 3 des trucs que je connaissais pas, l'antimoine. C'est un truc contre les moines. Voilà. C'est un peu, t'as un prêtre dans... t'as un clerc dans... Yololo. Yololo. Yololo, et il disparaît direct. Yololo. Comme ça, sans regarder ta feuille, j'irai 8 ans. Ah, comment tu es trop perspicace, dis donc. Je ne respirais pas. Boum. Elle est où la flèche, là? Oh mon dieu, comment tu as fait pour pas voir le truc que j'avais mis dans ta tête? Oh mon dieu, que tu me trouves mal explicace. Qu'est-ce que c'est quoi, dis donc? Alors, donc l'antimoine. Et merci les pas, en retard. Et donc, du coup, il est pas menti. Du coup, on en a jusqu'à 2024. Wow, donc c'est l'un des métaux quand même le moins en termes de moignité. Donc c'est un corps simple, trop cassant, et aux propriétés mécaniques désastreuses, c'est très rarement employé seul. Il s'agit plutôt d'un additif, il est très présent dans le métal d'Alger, le métal de la reine. Le métal d'Alger, tu veux dire en Algérie? Bah oui. Ça. Ouais. Les gens des voleurs. On est racistes. Les mains devant le visage. Les usages principaux de l'antimoine au niveau mondial depuis sont clairs. Depuis quand on est sponsorisé par Marine Le Pen? Jamais. Qui c'est qui lève sa main? Ah, oui, celui-là. Tiens, bien profond. Il sert d'usage au retardateur, pas pour moi, bien évidemment, de flamme et aux batteries au plomb. Moi j'aimerais avoir un retardateur de. Mais vu ce que je m'en sers pour l'instant, mais ça me dérange pas. Oui, les gens découvrent ma vie personnelle dans ce podcast. C'est triste. Maintenant je vais vous parler de la bauxite. Alors ça n'a rien à voir avec Lionel Bauxis. Bauxis, oui. Voilà. Qui est un ouvreur qui c'est un rugbyman. C'est un rugbyman. C'est pour ça alors. En gros, c'est le mec qui te sort le match d'anthologie et puis pendant 10 ans, tu as le match de merde. Mais de merde. Bonjour Boucher au Vali. Donc voilà, je vais vous parler de la bauxite et jusqu'à quand on en a. On en a plus que l'antimoine qui va jusqu'en 2024. 2024, quand même, c'est le bout du bout. Ouais. C'est demain, pour moi, j'appelle ça. Ah bah, 8 ans, oui. 15 ans. Non, t'es un peu loin, quand même. Moi, bon, je dirais 50 ans. C'était un peu loin, quand même. 200 ans. T'es quand même... 200 ans. T'es quand même un petit peu haut, là. Oh. 150 ans. T'es quand même encore un peu haut. 100. Ouais, voilà. 80. 70. 90. 50. Et je trompe. Quoi? De donc, quoi la bauxite, on en a jusqu'à 2121. Alors la bauxite, comme ça, je parie que ça ne vous dit absolument rien. Non. Mais cette roche constitue le principal minerai permettant la production de... D'après vous? C'est quoi le nom de la bauxite? La bauxite. Hein. Ça me dit quelque chose que le nom, mais... C'est un métal, tu l'utilises? Tous les jours, il est partout. De l'acier. C'est quand même un métal qui est cher, mais pas l'aluminium. Trop. Très bien. Mais c'est un alliage, l'aluminium? L'aluminium, oui. Ça vient en fait de la fonte de la bauxite. C'est ce qui met, donc, en 1887, Carl Joseph Bayer, qui n'a pas racheté Monsanto. c'est pas le même. décrit une méthode connue sous le nom de procédé Bayer pour obtenir de l'alumine à partir de la bauxite. Oui, et je le savais, mais j'avais oublié. À la dissolvant avec l'aide de la soude. Cette découverte permet de faire entrer l'aluminium dans l'air pour la production industrielle de masse. Voilà. En tonnage et en valeur, l'aluminium est le métal le plus utilisé après le fer. Grâce à sa légèreté et sa bonne conductibilité, forcément, électrique et thermique, l'aluminium pur et mou et fragile, mais avec des petites quantités de cuivre, magnésium, manganèse, silicium et autres éléments, il peut former des alliages aux propriétés variées. Donc c'est je pense que c'est pareil. L'aluminium, ça fait partie de la modernité. L'aluminium, il est bien classé. Et maintenant, je vais vous parler du, attention, le vanadium. Ça dépend le palladium 201 ou... Non, le vanadium. Ah, vanadium. Putain, j'ai compris palladium comme dans Iron Man, quoi. C'est palladium. C'est vrai qu'il est alcoolique et puis ça dure qu'un épisode. Après, il va mieux. Après, il va mieux parce qu'il s'est tapé Gwyneth, mais pas trop. Gwyneth, pas trop. Mais pas trop, ça va. Gwyn, mais pas trop. Gwyn, mais pas trop. Ça veut dire qu'il a remis dans le droit chemin, ce qui est une truc très dégueulasse pour dire que les Gwyn peuvent être remis dans le droit chemin, quand même. Le droit chemin, c'est-à-dire de l'homme avec des poils et des... Y a pas de droit chemin, donc. Pas de droit chemin, donc. Y a que des chemins tortueux. Y a que des chemins tortueux. Nous, on est j'aurais dit bouilleux, mais... Ça, c'est moi. Donc, le vanadium. Ouais. Le vanadium, 50 ans. Ça me dit rien. Ça ne me dit rien du tout, le vanadium. Donc on va dire qu'il en reste beaucoup. On va croire à l'humanité et dire qu'il en reste beaucoup. 150 ans. Ouais. T'es proche. De plus. Tu veux pas surenchérir un peu? Dis 200, vas-y, dis 200, t'as gagné. 120. Ouais, ça me dit t'as gagné. on en a jusqu'en 1197. Donc ça va, quand on a un peu de matière à faire. Mais alors le vanadium, bizarrement, alors environ 80% du vanadium est utilisé dans la ferro-vanadium et comme additif du coup dans l'acier. Mmh. Et alors utilisé du coup dans des alliages spéciaux de l'acier et sous forme du coup de carbure, d'outils d'usinage pour sa haute dureté. Donc on s'en sert en fait pour faire des alliages un peu plus costauds. Et voilà, c'était mon quiz sur la fin du monde de Kinouget, et nous on fait des postes. C'était G81. Et, en direct de la toile. En direct de la toile, et je vous dis à la saison prochaine, même si, en fait, voilà. Tu termines comme ça, du coup. Je suis trop bourré pour pouvoir faire des conclusions. Comme dirait Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, monde de merde. Monde de merde. Bah du coup merci pour ce quiz. C'est quiz. Ah bah non, t'as dit que c'était un dossier quiz, donc du coup c'est un quiz. Oh putain, je sais pas là. Et du coup bah on va passer à chantons la maintenant musique. La fin du monde. On va chanter, donc du coup on va mettre le jingle chanson. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant chantons. Et du coup on va chanter une musique qui s'appelle Being Patient. Beifong's Sacrifice, oh. Qui est de Jeremy Zucman ou Zuckman. Et pas de Rodeo Bagdad. Et pas de, non parce que là je voulais mettre du. De toute façon le financement doit être fini là. Non. Au mois de décembre. Encore, ah oui il restait 80 jours du coup qu'on enregistre, donc du coup ouais à peu presque, c'est ça. Et donc en fait non, Being Patient et Beifong's Sacrifice, bah en fait ça vient de l'OST de Avatar, le dernier maître de l'air. Oh non, n'importe quoi toi, c'est pas le dernier maître de l'air, c'est Legend of Korra, oui. D'accord. Donc du coup c'est une musique très, on va dire, sonorité asiatisante. Donc comment dirait Alexandre Astier, c'est-à-dire qu'il y a un truc en mineur à mon mal. Il fait ting, ting, ting, ting, ting, ting, c'est un peu ça, c'est ça. Ouais, je vous laisse caricaturer pour voir si c'est bien. Et donc du coup, bah nous on se dit à la semaine prochaine. Non, même bah du coup, bonne année, bonne santé, joyeux Noël, joyeux Noël. Moi c'est pour moi c'est bon anniversaire. Bon anniversaire pour Gandalf. baiser Biego au réveillon. Voilà, fourrer la denne. Embrassez-vous sous le gui. Enfin, s'il arrive à être accroché au-dessus, quoi. Ah non, on a un gui assez grand pour ça. Et donc, du coup, bah, on se dit bah, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et puis, bah, d'ici là. Jouez bien. Ouais, non, ouais, c'est ce que j'allais dire, mais non, en fait, bah, d'ici on là. Bah, des bisous, à bientôt. Non, voilà, protégez-vous. Bien. Voilà. Sortez couverts. Sortez couverts. Sortez couverts. Portez-vous bien. Salut.